soit mon job, mon sommeil cassé. Si toi tout seul qui dans mon pensée, la nuit des sous la t'es fatigué. Il va rien sous n'en va vivre dans l'amour. Nous visons pour les dents, réfléchis bien avant. Où nous n'a pas dans pour vent. Moi y'a un badinas, si y'a tout pour nous en a. Où nous battons dans feuillage. Nous visons pour les dents, réfléchis bien avant. Nous n'a pas d'en pouvant. Moi y'a un badinage. Si y'a tout pour nous un âge. Pour nous battons dans veillage. Rappelle les temps, les mots qui connent toi. Passons te causer, toi t'y convaincre moi. Puis toi pas pareil pour ma banne là. Si toi tout seul pour capable de moi l'amour. Tu rappelle les temps, les mots qui connent toi. Passons te causer, toi t'y convaincre moi. Puis toi pas pareil pour ma banne là. Si toi tout seul pour capable de moi l'amour. Nous bisons prend les temps, réfléchis bien avant. Où nous n'a pas d'en pour le vent. Oh y'a cinq vaginas, si y'a tout pour nous un as. Pour nous battons dans fillas. Passons te causer, toi t'y convaincre moi. Plutôt pas pareil pour ma banne là. Si toi tout seul pour capable de moi l'amour. Tu rappelles les temps, les mots t'y connent toi. Passons te causer, toi t'y convaincre moi. Plutôt pas pareil pour ma banne là. Si toi tout seul pour capable de moi l'amour. Si tu m'envie connais, reste qui t'es sincère. Mais moi si t'es pèse, je vais te voler qui a senti. Moi c'est un d'après qui bien sacré. Qu'on préserve lui pour tu ne meurs dans l'amour. Mon vie connaît, reste qui t'es sincère. Mais moi, si t'es pèse, je vais te voler. Qui a senti moi, c'est un affaire qui vient s'appeler. Pour te préserver, lui, pour tu m'aimerais dans l'amour. Nous disons, prends les temps, réfléchis bien avant. Nous nous n'attends pas dans tout le vent. Moi, y'a qu'un badinage. Si y'a tout pour nous un âge. Pour nous battons dans feuillage. Nous disons, prends les temps, réfléchis bien avant. Bon réveil à Agnan, bienvenue à tous. Vous êtes bien sur Première. On va vous réveiller ce matin, c'est grand matin, jusqu'à 8h. Stéphane Ninorak s'est installé, c'est le moment du journal. Bienvenue, 5h. Toute l'actualité de ce mardi 11 octobre avec Stéphane Ninorak. Bonjour Stéphane. Bonjour Michael, bonjour à tous. 176 agents précaires titularisés avant la fin de l'année. La grève dans les hôpitaux hier a certes porté ses fruits, mais le mouvement se poursuit. L'intersyndicale doit à nouveau rencontrer le directeur du CHU aujourd'hui afin d'établir un plan d'action. Les grévistes interpellent également le ministère de la Santé. Ils lui demandent de combler le déficit de 20 millions d'euros creusé depuis la fusion des antennes Nord et Sud. Besoin d'une médiation pénale ou d'un conseil juridique. Pour cela, les avocats des notaires et des huissiers vous accueillent gratuitement et anonymement. Un nouveau point d'accès au droit a été inauguré hier au port. Et malgré les tensions internes, la Chambre d'agriculture a adopté hier son budget 2016 et son plan de développement à l'horizon 2018. Un développement qui passera par exemple par une meilleure communication et une meilleure visibilité. Et c'était le but d'une formation web dispensée à Saint-Pierre. 8 agriculteurs sont repartis avec chacun son site web. Une première rencontre a déjà eu lieu hier soir entre grévistes et Lionel Calange, le directeur du CHU. Une deuxième doit avoir lieu aujourd'hui. Il s'agit de confirmer et d'établir un calendrier quant à la titularisation de 176 agents en situation précaire. Après la mise en place de barrages filtrants hier matin aux abords des hôpitaux de Belle-Pierre et de Saint-Pierre, le mouvement de grève des agents hospitaliers se poursuit. Il dénonce le non-remplacement depuis près d'un an des arrêts maternité et maladie ainsi que de départs en retraite, une situation qui engendre une surcharge de travail pour le personnel en fonction. L'intersyndicale FO, CFTC, UNSA, CGTR et Sud a également manifesté pour qu'une partie du personnel contractuel soit titularisé. Sur cette revendication, les syndicats ont donc été entendus par l'Agence régionale de santé. Hier après-midi, une délégation d'une vingtaine de membres du personnel a été reçue par François Maury, le directeur de l'ARS. Retour sur cette rencontre avec Christelle Fleuricourt. 176 agents contractuels du CHU devraient obtenir leur titularisation avant la fin de cette année. L'Agence régionale de santé a donné son accord. Une première avancée pour l'intersyndical, car ces personnels devaient déjà voir leur situation régularisée depuis l'année dernière au moins, leur embauche étant prévue dans le projet social 2011-2015. Mais la grève n'est pas terminée. Prochaine étape, une nouvelle rencontre avec le directeur du CHU, Jean-Yves Waro, président de la CFTC. Qu'il confirme et qu'il nous donne aussi le plan d'action et le calendrier donc pour mettre en place ces 176 stagiarisations donc avant le 31 décembre. C'est notre priorité aujourd'hui. En revanche, concernant le déficit de 20 millions d'euros creusé depuis la fusion des antennes Nord et Sud, l'ARS ne s'est pas prononcée sur un accompagnement financier. Patrick Vaillabouri du syndicat Force Ouvrière. En 2012, nous étions à l'équilibre. On nous a demandé de créer un CHU. Aujourd'hui, on nous dit nous sommes à 20 millions de déficit. Nous avons la preuve que ce n'est pas la faute du personnel. Nous demandons à la tutelle, au ministre, de combler le déficit. Les discussions sur le nouveau projet social 2016-2018, elles n'ont toujours pas débuté. Le combat syndical n'est donc pas terminé. Christelle Floricourt. Santé toujours, hier à Saint-Denis, plus d'une cinquantaine de personnes ont profité d'un dépistage gratuit au pied de leur immeuble. Dépistage du diabète, une opération menée en partenariat avec la Mutualité de la Réunion, l'ADN, l'association Diabète Nutrition et la SHLMR du quartier du Ruisseau. Une convention a d'ailleurs été signée, une convention portant sur les actions de promotion de santé dans le cadre du projet Cité du Diabète. 10% de la population réunionnaise est concernée par ce fléau, voire plus. Pour le savoir, une seule option, le dépistage. C'est ce que nous dit Véronique Christians, infirmière. C'est une maladie qui est sournoise, qui est silencieuse et qui peut évoluer durant des années sans crier gare. Et en fait, c'est pour ça que c'est vraiment le dépistage du diabète où on fait une glycémie capillaire, c'est-à-dire on prélève une petite goutte de sang au niveau du doigt pour analyser le taux de sucre qu'on a dans le sang. Et c'est ça qui va vraiment pouvoir nous montrer s'il y a un risque de diabète ou pas chez cette personne. On peut déjà dire aussi si les personnes sont plus à risque que d'autres d'être diabétiques. Donc par exemple, pour toutes les personnes qui ont plus de 45 ans, c'est un facteur de risque qui ont de l'hypertension, qui ont du cholestérol, qui ne font pas assez d'activité physique, qui n'ont pas une alimentation bien équilibrée, qui ont du surpoids, s'il y a du diabète dans la famille, chose qu'il y a beaucoup quand même ici à l'île de La Réunion. Donc voilà, tout ça, ce sont des personnes qui doivent se faire dépister au moins une fois par an auprès de leur médecin traitant ou auprès de dépistages comme ici, là, aujourd'hui. Véronique Christians au micro de Patrick Ramoudou. La commune de Saint-Pierre a, elle aussi, signé la convention d'application de la charte du parc national. 17 communes ont déjà adhéré à cette charte, on vous le rappelle. À la tête de cette commune, Michel Fontaine n'est donc peut-être pas sur la même longueur d'onde que son président de région, Didier Robert, qui, lui, souhaite une évolution du parc national en parc régional. On entendra le sénateur maire de Saint-Pierre sur ce point à 5h30. Les expertes de la Commission nationale des enfants de la Creuse se réunissent pour la première fois à La Réunion. Ça se passe aujourd'hui à la préfecture de Saint-Denis. Cette commission étudie l'immigration forcée de 1615 petits réunionnais dans l'Hexagone dans les années 60-80. L'une des pages les plus sombres et douloureuses de l'histoire de l'île. On en parle à 7h15 avec l'invité de la matinale, Jean-Thierry Chéroux, un enfant de la Creuse revenu dans son île natale pour la première fois. Un point d'accès au droit inauguré au port, 37 avenue Raymond Vergès. Inauguration faite hier matin en présence des professionnels de la justice, huissiers, avocats, notaires et procureurs. Ce lieu accueillera de manière gratuite et anonyme tous les citoyens qui rencontrent un problème juridique ou administratif. À La Réunion, on compte 31 structures de justice de proximité, dont 9 points d'accès au droit. Le dernier né a été installé symboliquement à la place de l'ancienne maison de justice et du droit qui avait été incendiée lors des dernières émeutes de 2012 au port. Claude Casal, coordonnateur départemental des points d'accès au droit et antennes de justice de La Réunion. Dans un point d'accès au droit, comme dans beaucoup d'antennes de justice, on y trouve à peu près les mêmes intervenants. Alors, qu'est-ce qu'on y fait? Il y a le délégué du procureur qui vient traiter des mesures alternatives aux poursuites, qui sont la médiation pénale ou le rappel à la loi. Il y a le conciliateur de justice qui vient pour essayer de concilier des parties qu'un différend oppose. Puis il y a d'autres intervenants tels que les professionnels du droit, les avocats, les notaires, les huissiers. Toutes les maisons de justice n'ont pas ces permanences-là, mais quand le public s'adresse à nous pour obtenir le conseil d'un avocat, d'un huissier ou d'un notaire, on peut lui délivrer un bon de consultation gratuite chez le professionnel du droit de son choix. Claude Casal, coordonnateur départemental des points d'accès au droit et antennes de justice, répondait à Delphine Poudroux. Le prochain point d'accès au droit sera inauguré à Saint-Louis. Après l'annulation de la séance le 3 octobre dernier pour cause de quorum non atteint, la Chambre d'agriculture a pu tenir sa session plénière hier après-midi. Cette Assemblée générale a permis l'adoption du budget 2016, une session au cours de laquelle a également été adopté à l'unanimité des élus présents le contrat d'objectifs et de performance. Il s'agit du plan de développement de l'agriculture réunionnaise jusqu'à 2018, un développement qui devrait passer par le numérique à Saint-Pierre. 8 agriculteurs ont suivi une formation de 60 heures pour apprendre à créer un site web. La Chambre d'agriculture a proposé ce stage aux exploitants agricoles afin qu'ils soient plus visibles et plus connus. Une formation dispensée par Alternative Conseil que dirige David Payette. C'est un souhait de leur part de communiquer et d'être visible pour un maximum de personnes. Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour ces agriculteurs qui souvent ne maîtrisent pas l'outil informatique? Ben, je dirais dans les prérequis par rapport à cette formation, on avait demandé quand même qu'il y ait une connaissance de l'outil informatique. Et après, au cours de la formation, donc c'était vraiment une formation individualisée. Donc on les a accompagnés en fonction de leurs difficultés pour qu'ils arrivent au bout à la création du site. Ça veut dire que les 8 agriculteurs qui ont suivi cette formation ont aujourd'hui créé leur site ? Tout à fait. Ils repartent aujourd'hui avec leur site, mise en ligne. David Payette, dirigeant d'Alternative Conseil, interrogé par Suzette Emma. C'est la fin de cette édition. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec France Info, Alexandra Dubouchouron. Manuel Valls et Bernard Cazeneuve dans l'Essonne hier, tournée des commissariats où travaillent les 4 victimes de l'attaque au cocktail Molotov de samedi à Viry-Châtillon. L'un des policiers se trouve toujours entre la vie et la mort. Le Premier ministre et son ministre de l'Intérieur ont assuré que des moyens supplémentaires allaient arriver. Mais ces visites n'ont pas calmé les syndicats qui appellent ce mardi à une grève du zèle et à des rassemblements silencieux devant les commissariats du département. Bernard Cazeneuve qui s'est rendu à Londres ensuite hier après-midi pour inciter le Royaume-Uni à accueillir les mineurs isolés de la jungle de Calais et il a reçu une réponse positive dans la soirée, son homologue britannique qui précise que les mineurs isolés seront bien accueillis dans le pays s'ils ont un lien familial au Royaume-Uni. De leur côté, les associations Emmaüs et le Secours catholique réitèrent leurs inquiétudes face au démantèlement annoncé du camp de migrants dont elles demandent le report et menacent en filigrane d'une action en justice contre une chasse aux exilés. François Hollande va prendre la parole aujourd'hui devant le Conseil de l'Europe à Strasbourg, une première depuis Jacques Chirac en 1997. D'après l'entourage du chef de l'État, il vient affirmer sa détermination à défendre une Europe unie autour de ses valeurs. Mais cette visite intervient aussi en pleine crise diplomatique sur le dossier syrien entre Occidentaux et Russie, elle aussi membre de cette organisation. François Hollande qui dénonce les crimes de guerre commis à Alep en Syrie et qui hésite toujours à recevoir son homologue russe comme c'est prévu prochainement à Paris. En Allemagne, le Syrien de 22 ans arrêté la nuit dernière à Leipzig après 2 jours de cavale, préparait un attentat à la bombe dans l'un des aéroports de Berlin. Et c'est ce qu'a révélé hier soir le patron du renseignement intérieur. Ses services savaient depuis septembre que le groupe État islamique préparait une attaque dans une infrastructure de transport du pays. Samsung annonce l'arrêt des ventes et des échanges de ses Galaxy Note 7. Le numéro 1 mondial des smartphones demande à tous les possesseurs de ces téléphones de les éteindre et de ne plus les utiliser. Comme pour le précédent modèle, la batterie risque de s'enflammer. C'est une page d'histoire qui se tourne dans le monde de la presse. L'International Herald Tribune, fondée il y a plus d'un siècle à Paris, quitte la France. On se souvient de cette scène culte dans le film À bout de souffle, où Jane Seberg vend à la crier un exemplaire à Jean-Paul Belmondo. Eh bien, la rédaction du quotidien généraliste en langue anglaise, rebaptisée International New York Times il y a 3 ans, migre pour Hong Kong. En football, la France prend la tête de son groupe à égalité avec la Suède après la victoire des Bleus hier à Amsterdam 1-0 grâce à une frappe à 30 mètres à la 30e minute signée Paul Pogba lors de la 3e journée des éliminatoires du Mondial 2018. Et puis en rugby, c'est l'impasse. Les joueurs du top 14 refusent toujours de jouer le 24 décembre comme le demande la Ligue nationale de rugby. Eux veulent pouvoir passer le réveillon en famille et menacent d'une action collective. Et c'est ce qu'a indiqué ce lundi le syndicat des joueurs professionnels. Et chez nous à La Réunion, beaucoup de soleil aujourd'hui prévu. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. On va se réveiller pour cette matinée de mardi avec un soleil généreux sur l'ensemble de l'île. En matinée, seuls quelques nuages vont venir jouer les troubles faits cet après-midi. À la mi-journée, une couronne nuageuse va se développer autour de l'île à mi-pente. Mais le temps va demeurer calme avec certainement très peu d'averses dans le secteur. Sur le littoral, ça restera très très beau avec des sommets au-dessus de 2000 mètres, le piton de la Fournaise ou le piton des Neiges qui resteront dégagés, ainsi que les cirques de l'île. On ira jusqu'à 28 degrés sur le littoral. Ça baisse un petit peu par rapport au week-end, 27 degrés au port, 18 au volcan et 23 degrés à Sillaos, et puis un peu de vent qui bercera la côte entre Saint-Denis et Saint-Benoît, et de l'autre côté du sud sauvage à Saint-Pierre, comptez des rafales autour de 40 à 50 km/h. Profitez bien si vous êtes en vacances de cette belle journée de mardi. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. 5h-8h, grand matin avec Mickaël Laurette sur Réunion Première. Et nous on est là pour vous réveiller, j'espère que la nuit s'est plutôt bien passée. Maintenant il va falloir aller au travail ou peut-être tout simplement profiter des premières heures du jour parce que vous êtes en vacances. Et ça on vous le souhaite aussi, n'hésitez pas, hein, comme chaque matin, on vous attend. Vous nous envoyez votre petit message 06 92 70 2000. Vous pouvez aussi le faire sur Facebook, la fameuse fanpage où on a un objectif d'atteindre les 1100 fans avant la fin de la semaine. Page Facebook qui vous permettra peut-être, si vous vous inscrivez là en tant que fan, si vous n'êtes pas encore fan, de repartir avec un bateau concert, s'il vous plaît. Frédéric Joron vous jouera donc ses plus belles partitions sur le bateau du Grand Bleu. Ça se passera samedi et c'est une invitation VIP pour deux personnes que l'on vous offre sur Réunion Première avant la fin de la semaine. Si c'est pas beau tout ça, comme ça, de se réveiller le matin avec des bonnes nouvelles. Bonne nouvelle aussi pour les femmes qui seront à l'honneur aujourd'hui, les filles plutôt, plus précisément, puisque c'est la journée internationale des filles. Ah oui, Prisca. Donc bonne journée. Oui. Bonne journée. Youhou à vous. C'est votre journée. Ça va, Prisca? Bonjour, Mickaël. Bah oui, ça va. Et vous? Bah ouais, très très bien. La pêche. Vous serez où ce matin, vous? Nous allons au marché de Beau Séjour ce matin. Pas très loin. Est-ce que vous êtes superstitieux? Alors, ça si dépend. Vous l'êtes. Ça dépend. Si vous l'êtes, bah, 06 ouais. 92 70 2000, c'est ouais. ça? Ouais, c'est ça, c'est ouais. le numéro. Et quand la main gauche y gratte, là, il veut dire quoi, Saint-Michel? Quand la main gauche y gratte, est-ce que c'est pas la chance qui arrive? Bah, non. Je sais pas, on pose la question à nos auditeurs. On demande, tiens. Et puis on en parle dans la colle Jacques tout à l'heure. Les bons? Ça sera entre 8h et 10h. La main gauche qui gratte, c'est Prisca qui vous pose la question. Il y a l'argent ou pas? Ou peut-être que on c'est. On va dépenser de l'argent? Pourquoi ta main gauche gratte, Prisca? Ben non, c'est le sujet, c'est le thème. Ah, c'est le thème de la colle Jacques, 8h-10h. Ben mais ça aurait été bien que ça t'arrive aussi à toi. Les gens des croyances. Ben justement, je ne sais pas si quand la main gauche il gratte, est-ce qu'il veut dire que ça gagne l'argent ou est-ce qu'il veut dire que ça dépense l'argent? Mais s'il est demain, il gratte, Prisca. Ben justement, pose la question à nos auditeurs, on aura la réponse. Ça veut dire peut-être qu'il faut aller se laver, non? Un peu, non? Se doucher. Bah peut-être, ouais, je sais pas moi. Ouais. On parle de superstition dans les gens des croyances entre 9h et 10h. À tout à l'heure. À tout à l'heure, presque à 8h, 10h pour la colle Jacques. Ouais. Et puis on sera avec elle au marché de Beau Séjour dès 6h moins le quart. On se retrouve dans quelques secondes là, puisqu'il y a Juliette qui nous attend dans les starting blocks pour l'horoscope. À tout de suite. 8h, 10h, la colle Jacques avec Jacques Revel. À l'émission des signes de terroir, sac nouillem. Ah ben là, moi les devant ma roue salade. Chicken like, quand les confits, d'un piment, les bons. Radio Ménage. Vous l'avez comment la voix signifie dans le terre. Partagez vos croyances et légendes. Les gens y parlaient avant, maintenant est-ce que les vrais, pas vrais. La colle Jacques avec Jacques Revel, du lundi au vendredi, de 8h à 10h sur Réunion Première. Première. Mieux vaut deux fois qu'une, vous savez maintenant le rendez-vous. Hein. 8h, 10h, la colle Jacques. D'ici là, c'est Juliette qu'on accueille pour l'horoscope de ce mardi 11 octobre. Bonjour Juliette. Bonjour tout le monde. Vous êtes heureux d'être là? Moi aussi. Je suis ravie que vous soyez avec moi. Je ne suis pas toute seule comme ça. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Nous fêtons les firmas en ce 11 octobre. Voici les prévisions astrales de la première. Bélier, et si vous partiez, histoire de vous changer les idées, de vous oxygéner? Taureau, Cupidon pourrait bander son arc et faire de vous une personne amoureuse. Gémeaux, laissez-vous aujourd'hui tout simplement guider. Cancer, les liens avec vos proches sont une part essentielle de votre équilibre. Ne gâchez pas tout, surtout. Lion, rien n'ira aussi vite que vous le voulez en cette journée. Vierge, dépensez moins et vous décidez affectivement, voilà des bonnes résolutions. Balance, si vous cherchez un travail, le moment est propice aux démarches. Scorpion, prudence et lucidité seront les mots d'ordre de cette journée. Sagittaire, Vous êtes sous une bonne étoile, sachez en tirer profit. Capricorne, soyez plus modéré, essayez d'employer un peu plus de tact aussi dans vos paroles. Verseau, vous avez un ascendant naturel, vous le savez, sur les autres, essayez de ne pas trop en profiter. Poisson enfin, vous pourriez décider d'emprunter les chemins de traverse. Excellente journée. Merci Juliette. Non, on n'est pas tout seul le matin. Regardez, vous êtes avec moi, je suis avec vous. Et puis, il y a toute l'équipe de Grand Matin qui est là, avec Stéphane et Lorax, Cécile Thomas, Jean-Claude Machir tout à l'heure sur les routes. Et puis Prisca, bien sûr, sur le marché qu'on vient d'avoir. On file sur les hippodromes maintenant et celui de Feur. C'était hier que ça jouait le tiercé Quinté Quinté Plus du côté de Feur. Il fallait, pour l'emporter au Quinté Plus, jouer les numéros suivants. Le 16, le 8, le 9, le 18 et le 10, les chevaux gagnants, donc le 16, le 8, le 9, le 18 et le 10. On file à Saint-Cloud aujourd'hui pour le prix de Saint-Père-du-Mont et le Fouineur avec le Gire vous conseille de jouer le 8, Tisvi, le 5, Orpheas, le 3, Isaac, le 2, Indécence choisie, l'As, Instant de rêve, le 13, Modigliano, le 15, Fleur d'Ipanema et le 9, Donuts Rayor. Voilà pour les pronostics du Fouineur que vous pourrez retrouver bien sûr dans le gire du jour. Et pour que le jeu reste un plaisir, vous connaissez la phrase maintenant habituelle, jouons responsable. Journée internationale des filles, on va en parler. On va parler de records de femmes qui rentrent dans le Guinness là, depuis quelques jours. Un record assez particulier, vous comprendrez pourquoi. On en parle juste après l'Indigo qui arrive dans vos oreilles ici au réveil. Vous êtes dans Grand Matin, bienvenue sur Première. Mille et sec mille. Ote madame un tel, ote monsieur un tel, ça mal cause à moi, après t'as pour plaire là. Ote madame un tel, ote monsieur un tel, ça mal cause à moi, après t'as pour plaire là. Assez, assez, arrête fais ton tête et cousson, bataille pas pour la peau canton, pourquoi? Descendance, mon papa trop beau, trop con. Descendance, mon maman, descendance, mon papa trop beau, trop con. Descendance, mon maman, descendance, mon papa trop beau, trop con. Trop beau, trop con. Trop beau, trop con. Trop beau, trop con. Trop beau, trop con. Ote madame un tel, ote monsieur un tel, ça mal cause à moi. Après t'en faut plaire là, oh, oh. Voté madame est telle, voté monsieur est telle, ça mal cause à moi, après t'en faut plaire là. Assez, assez, arrête fais ton tête cochon, bataille pas pour la peau gâton, coupé. L'équipe de Grand Matin est en place pour votre réveil ce matin entre 5h et 8h. Il y a Jean-Bernard déjà sur Facebook qui est déjà connecté, qui nous demande où Prisca sera tout à l'heure pour le marché à 5h45. Eh bien, elle vous donnera rendez-vous du côté de Beau Séjour. Ils étaient au petit stade de l'Est, ils ont mis le feu là-bas pour les enfants zillois vendredi dernier. L'Indigo et Olivia Rast, Millet sec Millet. Des filles qui marchent sur la plage. Bah oui, on a voulu leur rendre honneur aujourd'hui, Journée internationale des filles, instituée depuis 2012 par l'ONU et qui justement met en lumière les discriminations faites aux filles à travers le monde, qu'il s'agisse d'éducation, de travail, de violence ou encore de tradition familiale. Bon, c'est malheureusement encore, elles ne sont pas sur un pied d'égalité avec l'homme. Et bien cette journée est là aussi pour rappeler qu'il faut remettre tout ça à niveau. Et justement, il y a des femmes qui se battent pour l'égalité entre les deux sexes, comme Arnam Kaur, qui disait en juillet « N'ayez jamais peur de qui vous êtes vraiment supposé être. Vous êtes absolument magnifique tel que vous êtes. » Arnam Kaur, c'est une mannequin. Un mannequin qui a un déséquilibre hormonal très particulier dans ce sens-là, mais elle a voulu, justement, grâce à son déséquilibre hormonal, abattre un peu les barrières entre les deux sexes. Cette jeune Anglaise est une jeune Anglaise à barbe. Oui, elle est barbue. Voilà, c'est une Anglaise qui a choisi d'être barbue à 24 ans. Elle est également donc mannequin. Et elle a décroché le record de la plus jeune femme à barbe du monde. Elle est rentrée dans le Guinness des records. Et c'était le 8 septembre dernier. Elle écrit « J'espère que ceux qui verront mon record pourront en tirer du positif, de l'inspiration et réaliser que qui que tu sois, et quelle que soit ton apparence, tu es officiellement extraordinaire. » On dit chapeau à Arnam Kaur, Journée internationale des filles aujourd'hui. Elles le valent bien, donc on leur souhaite aujourd'hui. C'est important pour ceux et celles qui ont des filles autour d'eux. Bonne journée les filles. À 5h30, ça sera l'actu. Avec Cécile Thomas qui vient ici poser son journal dans les studios de Réunion Première, c'est grand matin, jusqu'à 8h avec Gaëtan Roussel. Dis-moi encore que tu m'aimes. Bon réveil. Courir à perdre haleine, sous les étoiles, on nous voit à peine. La nuit chasse les dilemmes. Dis-moi encore que tu m'aimes. Me reviennent, as-tu retrouvé les tiennes? Et si l'on rejouait toutes les scènes, dis-moi encore que tu m'aimes. Le soleil effleure les persiennes, les pluies vont être diluviennes. Sens-tu le parfum que le vent ramène? Dis-moi encore que tu m'aimes. Entends-tu la mécanique? Quand se déroule le générique, et si l'on rejouait toutes les scènes, dis-moi encore que tu m'aimes. Et si l'on modifiait le thème, dis-moi encore que tu m'aimes. Dis-moi encore que tu m'aimes. La vie reste fragile tout de même, et ce trafic qui nous emmène. Et si l'on rejouait toutes les scènes, dis-moi encore que tu m'aimes. Et si l'on modifiait le thème, dis-moi encore que tu m'aimes. Le chanteur de Louise Attaque, Gaëtan Roussel, avec « Dis-moi encore que tu m'aimes ». 5h27 dans toute l'Aragnan, en 3 minutes. C'est toute l'actualité de ce mardi 11 octobre. Et puis ce matin, entre 10h et midi, les experts avec Isabelle Waro. On parlera de voitures d'occasion, les pièges à éviter ou encore les devoirs du garage. Tout ça, vous pourrez vous poser les questions au 0262 99 2000. Amy Winehouse. Celle qui nous a quittés à l'âge de 27 ans, certainement bien trop tôt, Amy Winehouse avec Back to Black. Aujourd'hui, je le disais, journée internationale des filles, en ce mardi 11 octobre. Avant d'être une femme, vous étiez une fille, donc bonne journée Cécile. Bonne Merci journée à beaucoup, vous. Ken. C'est le journal 5h30. Toute l'actualité de ce mardi 11 octobre avec Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Vous sentez-vous déprimé? Êtes-vous triste ou découragé? Des questions pour mieux percevoir l'état de la santé mentale de la population. C'est une première à La Réunion dans ce journal présentation des résultats de cette étude commandée par l'Agence régionale de santé. Le dépistage du diabète chez vous ou presque au bas de l'immeuble. L'opération est renouvelée. Objectif dépister le plus de personnes possible. Les conseils d'un avocat gratuit et anonyme. C'est l'un des services proposés au point d'accès au droit inauguré hier au port. Un moyen de régler de nombreux litiges et de parfois éviter la violence. Et puis des agriculteurs sur le web, ils sont de plus en plus nombreux à faire vivre un site web dédié à leur activité. La Chambre d'agriculture a organisé pour eux un stage de formation pour être performants sur la toile. On commence avec cette étude, elle a été réalisée par l'Observatoire Régional de la Santé à la demande de l'ARS, l'Agence Régionale de Santé Océan Indien. Pour la première fois, elle compile des chiffres sur l'état de santé mentale des Réunionnais. Il ne s'agit pas de diagnostic, mais de ce que l'on perçoit. 2000 personnes de 15 à 75 ans ont été interrogées au cours des 4 dernières semaines. Avez-vous été nerveux ? Triste, découragé, voilà pour le type de question. Les résultats permettent d'identifier les populations les plus exposées et donc de planifier une politique de prise en charge adaptée. Enseignement de cette étude, la perception diffère selon le sexe et l'âge, Erwan Poney. Les femmes témoignent davantage de ces difficultés psychologiques ou mentales. Et sauf pour la consommation de médicaments psychotropes, ce sont les personnes de moins de 60 ans qui sont les plus exposées, notamment les 31-45 ans. Il y a peu de différences liées à l'âge pour les tentatives de suicide. Contrairement aux idées reçues donc, pas de surexposition des adolescents, des jeunes adultes ou des personnes âgées. Sur les causes, ce n'est pas vraiment une surprise. Les difficultés financières ressenties au quotidien, l'existence de maladies chroniques sont fortement associées à la déclaration d'état de détresse psychologique. Les personnes ayant une consommation d'alcool à risque sont également plus exposées aux troubles psychologiques ou mentaux recensés. Mais l'alcool est-il la cause ou la conséquence du mal-être ? Pas de réponse à ce stade de l'étude. Erwan Poney, santé toujours avec le dépistage du diabète, un dépistage qui se déplace au pied des immeubles de la SHLMR. Hier matin, c'était à Saint-Denis. La Mutualité de la Réunion et l'association Diabète Nutrition invitent les habitants des immeubles à descendre le temps d'une petite piqûre sur le doigt. 10% de la population réunionnaise est touchée par le diabète et l'on estime que nombreux sont ceux qui sont malades sans le savoir, Patrick Ramoudou. Une petite piqûre sur les doigts et en quelques secondes, on sait si on a du diabète ou on peut éventuellement développer la maladie. Et pointant ce geste simple, encore peu de monde le fait. Diane Bayeux, coordinatrice du projet à la Mutualité de la Réunion et à l'association Diabète Nutrition. C'est vrai que beaucoup de personnes ne vont pas forcément chez leur médecin, parce que c'est souvent là qu'on trouve un diabète. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours facilement du monde. C'est pour ça qu'on a souvent des personnes qui nous aident à aller voir dans les logements pour inciter les personnes à venir se faire dépister parce que quand on découvre un diabète, c'est jamais facile, c'est jamais simple à gérer derrière. Donc beaucoup de gens, malheureusement, préfèrent ne pas savoir et rester dans l'ignorance. Malgré tout, plus d'une cinquantaine de personnes étaient venues se faire dépister, histoire surtout d'être rassurées. Manifester pour voir si j'ai le diabète ou pas. Il y a longtemps que je n'ai pas fait. C'est bien, on m'a dit que j'ai 1,01 g, ça va, c'est bon. Ma soeur a eu le diabète il y a quelques années et elle a été amputée l'année dernière. Et voilà, on a quelqu'un dans la famille, ça nous fait peur, donc je suis encore là aujourd'hui. Et pour ceux qui hésitent encore à se faire dépister, sachez qu'une mauvaise alimentation peut être aussi facteur de diabète. Sharon Franken, diététicienne. Et oui, malheureusement, puisqu'on mange souvent plein de charcuterie, donc c'est gras et salé, un peu trop de féculents souvent en portion. Alors n'hésitez pas à vous faire dépister du diabète, surtout que plusieurs actions de ce genre sont menées chaque année dans l'île. Patrick Ramoudou. En bref, la grève se poursuit au CHU. L'intersyndicale FO, CFTC, UNSA, CGTRSU dénonce un manque d'accompagnement de la part de l'État. Les départs à la retraite et les congés maladie et maternité ne sont pas remplacés. C'est trop de travail pour les agents qui restent, disent les syndicats. 27% des agents sont contractuels alors que ce taux devait être ramené à 12% depuis l'année dernière. Sans compter que l'établissement accumule un déficit de 20 millions d'euros depuis la fusion des antennes Nord et Sud. Autant de motifs pour cesser le travail. Pour les grévistes, une délégation a été reçue hier après-midi par le directeur de l'Agence régionale de santé, François Maury. 176 agents qui devaient être intégrés depuis l'année dernière devraient l'être avant le 31 décembre de cette année. Les autres revendications n'ont pas trouvé de réponse. Le mouvement se poursuit. 5h35 sur Première. La suite du journal avec Cécile Thomas. Jean-Thierry Chéroux, son nom ne vous dit peut-être rien. Il fait partie des enfants de la Creuse et il témoigne en ce moment. Il raconte son histoire, mais certains de ses souvenirs sont vagues. Il a quitté la Réunion à 7 ans. Il voudrait savoir si ses parents étaient d'accord, s'ils ont su qu'il était envoyé en France métropolitaine pour y être adopté. Alors que des experts de la Commission nationale sur les enfants de la Creuse sont dans l'île, ils se réuniront aujourd'hui à la préfecture. Jean-Thierry Chéroux sera l'invité de la matinale ce mardi sur Réunion Première. Il répondra aux questions de Philippe Dornier dès 7h15. L'accès au droit pour tous et partout. La ville du Port a inauguré hier un point d'accès au droit en présence de professionnels de la justice, des huissiers, des avocats, un procureur. Ici, les conseils sont gratuits, ils sont anonymes. Il s'agit de permettre à chacun de se renseigner en cas de problème juridique ou administratif. Un lieu de rendez-vous symbolique, le point d'accès au droit du Port a été installé à la place de l'ancienne maison de justice et du droit qui avait été incendiée lors des dernières émeutes de 2012 dans la ville. On écoute le maire de la commune, Olivier Waro. Le port n'est pas une ville où on peut faire ce qu'on veut. Il était important pour nous de rétablir cette justice, ce droit dans notre cité. Et ça fonctionne bien, puisque nous avons déjà depuis que nous avons ouvert ces locaux depuis quelques jours déjà une très bonne fréquentation. Maintenant, c'est aussi l'accès au droit dans sa plus simple expression, c'est-à-dire la proximité. Et on est tous confrontés à des conflits dans nos actes de tous les jours, avec un voisin, avec un commerçant, etc. Et parfois, on peut trouver la réponse. Il suffit simplement de se retrouver autour d'une table avec un médiateur du droit, et cet espace, ce local, a cette vocation. Olivier Ouarot, le maire du Port, interrogé par Delphine Poudroux. La convention d'application de la charte du parc national continue son tour des communes. Cette fois, c'est Saint-Pierre qui s'est engagé à respecter cette charte déjà signée par 16 autres communes de l'île. Michel Fontaine qui signe ce texte, celui d'un parc national, alors que Didier Robert demande un parc régional. Cela amène cette question. Les deux élus sont-ils sur la même longueur d'onde? Question posée par Suzette Emma au maire de Saint-Pierre. Il n'y a aucune polémique là-dessus. Cette adhésion découle d'une décision du conseil municipal de Saint-Pierre adoptée en septembre 2014. Aujourd'hui, nous travaillons avec le parc dans sa configuration actuelle. Si la structure venait à évoluer, il est évident que nous travaillerons avec la nouvelle structure. Aucune contradiction donc entre la région et la mairie. La région souhaite réaliser une étude sur l'évolution du statut du parc. L'objectif de la ville est peut-être plus modeste, mais tout aussi important, puisqu'il s'agit en fait d'accompagner les acteurs du territoire dans leurs différents projets, l'éducation de l'environnement. Michel Fontaine, le sénateur maire de Saint-Pierre, interrogé par Suzette Emma. Suzette Emma qui a rencontré hier des agriculteurs en formation, une formation à l'outil Internet pour créer un site web dédié à leur exploitation. C'était un stage proposé par la Chambre d'agriculture pour les aider à se faire connaître et à développer leur activité. Reportage donc de Suzette Emma avec deux web agriculteurs de Saint-Pierre. Bon, comme il dit, hein, il faut pas boire trop couillon, donc. Donc, Bernard Moutouvirin, planteur, maraîcher et depuis quelque temps giteur à Guillaume-Saint-Paul, a décidé de créer son propre site. Objectif, se faire connaître, être visible. Dès qu'on dit les gens comme ça que voilà, on a des chambres d'hôtes, ils disent comme ça, est-ce qu'on est né un site? Parce que comme toute personne, tu veux voir des photos, veux voir un petit peu aussi si tu es autre. Donc, quand on la propose à moi, cette formation m'a dit, mieux faire. Une fois que les gens connaissent un petit peu votre produit, à travers toutes ces photos, les commentaires, etc., l'image avant de venir. Les 8 agriculteurs ont bénéficié de l'accompagnement d'un webmaster, webdesigner. Ils ont surtout appris à mieux communiquer sur leurs produits, à faire évoluer leur site. Parce qu'une fois le site créé, maintenant on va pouvoir nourrir parce qu'on a les outils qui vont avec. À chaque fois qu'on va changer des photos, on va faire de nouvelles photos, on va pouvoir mettre ça sur notre site. Le but c'est quand même de vendre. Même objectif pour Katiusia Payette qui exploite une bananeraie bio au Colimaçon à Saint-Leu, obligée, dit-elle, de suivre la vague. Maintenant, les gens, ils sont plutôt sur Internet. Ils n'ont pas toujours le temps de, malheureusement et heureusement, je ne sais pas. Moi, je fais aussi le marché forain de Saint-Leu tous les samedis matin, mais je ne touche pas tous ceux qui ne viennent pas au marché. Voilà, donc, c'est un autre moyen pour moi de toucher cette autre clientèle. Des agriculteurs à la page et aujourd'hui en ligne. Et oui, au lieu d'aller au marché, rendez-vous sur Internet. Bah, pourquoi pas, hein. Mais on va aller au marché tout à l'heure, quand même, à 6h, 6h moins le quart avec Prisca. Bah oui, elle sera là. Merci Cécile. Et retour de la formation, bien sûr, à 6h avec Stéphane et Nil Oracle. Le soleil va briller encore aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle pour les vacanciers. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Et un peu partout dans l'île, alors il y aura quelques nuages bas qui vont s'attarder quand même sur l'est et qui vont se dissiper rapidement, puis le temps va demeurer calme un peu partout, même cet après-midi, même si les nuages vont être plus nombreux à mi-pente sur les hauteurs, sur tous les hauts d'ailleurs de l'île. Mais plus on ira haut, justement, au-dessus de 2000 mètres, notamment au Piton de la Fournaise ou au Piton des Neiges, plus on trouvera de soleil. Dans les cirques aussi, le ciel restera dégagé, puis sur le littoral, on gardera de très belles éclaircies tout le long de la journée. Température légèrement en baisse, mais toujours agréable, hein, de 25 à 28 degrés sur le littoral. Il fera encore plus chaud à l'ouest qu'à l'est. 27 au port, 18 au volcan et 23 degrés à Sillaos attendu. Tout cela avec un peu de vent, 50 km/h de Saint-Denis à Saint-Benoît et du sud sauvage à Saint-Pierre. Belle journée de mardi. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Avant 6h, je vous fais gagner 2 invitations pour le festival de marionnettes qui démarre aujourd'hui, Strapantin. Au mixeur, bien sûr. Bah, vous commencez à appeler 99 2000. Maya Kamati. Écris-moi un lancé.

Et juste après le marché de Prisca, c'est DJ Fou qui débarque dans les studios. Le mixeur vous fait gagner ce matin deux invitations pour le festival de marionnettes Strapontin qui démarre aujourd'hui pour les marmailles. C'est idéal pour les vacances. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Mais pour les marmailles aussi, de bons fruits, de bons légumes, ça peut être bien dans l'assiette, Prisca. Ah oui, ça fait du bien, vous savez. Bah oui. Ah oui. Et puis à beau séjour, on a un petit vent frais là. Mmh. Il vaut mieux garder sa doudoune, n'est-ce pas, Jean-René? Bonjour. Bonjour tout le monde, ça va? Salut Jean-René. On parlait de fruits ce matin, et pour la salade de fruits, vous avez ramené des arlores. Hein. Ah ben moi, j'essaye de faire des trucs un peu bizarres, un peu rares. Ouais. Comme ça, un peu bizarre et un peu rare. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Alors, des bizarres. Par exemple, bon, je m'en pose une question pour tout le monde. Ouais. Allez, on écoute. Ah, il a un peu cabossé le truc. Cabossé. C'est quoi le truc? Les cabossés. Les schmilblick. C'est et ça, les c'est pics dessus. Qu'est-ce que c'est? Alors, t'as entendu là, les cabossés et les nains des pics dessus, et il y a des les pics verres. Dessus. Ouais. Alors, cabossés et les pics dessus. Alors, des pics, ça peut être un chouchou? Chouchou vert? Ah ouais, c'est vrai que ça peut être un chouchou. Perdu. Et vous demandez le conseil à un ami, un auditeur? Allez, une l'appel à un ami. L'appel à un ami. Appelez le 99-2000. Aidez Michael. Pour en savoir plus. Ouais. Sinon, il y a Jean-René qui va pouvoir nous aider aussi. Hein, parce que un indice. Je vais donner allez, un indice. Jean-René, on t'écoute. Alors, dedans, il est blanc. Oui. Il y a des graines. Des graines noires dedans. Ah ben là, tu ne trouves pas encore. Et ça se mange. Et ça se mange. Et c'est très prisé. Et c'est très prisé. Très prisé. On l'appelle aussi Corosol. Ah bah oui, bah là c'est facile, là, du coup. Bah alors, c'est quoi la réponse, Michael? Bah alors là, du coup, je l'ai plus en tête. Ouais, c'est sapotis. Sapotis, bah oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Pour le fruit rare, hein, le fruit longtemps. Eh oui, en effet. Et nous avons aussi... Allez, un autre petit fruit à vous faire découvrir. Il faut vraiment que je retourne sur le marché. Les noirs comme le jamblon. Voilà. Les ronds comme quoi? Comme un raisin. Comme un raisin. Ronds comme un raisin. Ouais. Hein ouais. Et la chair à l'intérieur. La chair, on ne va pas tout dire, mais la chair, il est un peu... je ne sais pas. On va dire que c'est comme un litchi à l'intérieur. Comme un litchi. Ah bah c'est facile, Prisca, parce que vous avez, vous, le fruit ou le légume devant vous. Hein. Bon, là, c'est un fruit. Oui, mais bon... Là, c'est un fruit. Voilà, c'est un fruit. Bon. On fait... Alors, je vais donner un indice. Allez, les fruits, ils ne donnent pas sur les branches, ils donnent sur le tronc. Ils donnent sur le tronc. Un gros indice, là. Jean-René, ils sont sur le tronc. En fait, j'explique, tu peux me donner tous les indices que tu veux. Il faut que je retourne au marché, je crois. Vous savez ce qu'on va faire, Je suis nul à jeu. Oui. Michael, oui. La semaine prochaine, vous venez sur les marchés. C'est ce qu'on va faire. Moi, je viens dans le studio. Allez, pourquoi pas, on échange les places. Allez, on vous parle de jabotikaba avec... Jabotikaba. Ouais. C'est bon, sapotis, jabotikaba. Voilà, c'est noté. Allez, comme ça au moins j'en... Et puis il y a les mangues josées. Et les mangues thaï. Bon, les mangues josées, c'était plus facile déjà. Ouais. Et les mangues thaï à découvrir. Hein. Et mangues thaï, c'est quel prix, Jean-René, aujourd'hui? Ah, je suis pas cher. Hein. On commence à 15. On commence 15 à 15 euros. Faut un budget, quand même. Et le kilo de sapotis, c'est 5 euros. Et comment est-ce que vous vendez le jabotikaba? En baquette de 2,50 euros. Voilà, 2,50€. Bien cherché. Bon, au marché forain, très bien. C'est noté, tout à l'heure, Prisca. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. DJ Fou, tu notes un sapotis, jabotikaba, on connaissait les noms, mais alors à quoi ça ressemblait? C'est vrai, il va falloir qu'on retourne au marché. Hein. Ça va pas du tout. Hein. Bon, allez, c'est parti, le mixeur. Grand matin, le mixeur. Comme quoi, 5 fruits et légumes par jour, ça peut servir. Hein. Au moins, on en connaît plus au bout du compte. À moins de manger les mêmes aussi. On va jouer pour deux invitations pour le festival de marionnettes Strapontin. Ça commence aujourd'hui et ça se déroule jusqu'au 20 octobre. Et vous pourrez repartir avec votre double invitation en appelant maintenant. Le 0262 99-2000 pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Il y a 7 spectacles à voir là-bas et double passe pour vous. Ça veut dire que vous pourrez voir et vous aurez accès aux 7 spectacles au Théâtre des Bambous. Un seul appel et vous faites plaisir à vos marmailles hein, qui sont peut-être à côté de vous ou en train tout simplement de dormir parce que c'est les vacances. 0262 99-2000. Alors comment on fait pour jouer? C'est simple. DJ Fou a fait son mix dans le mixeur et il faut trouver soit le titre, soit l'artiste. On ne demande pas les deux. Hein. C'est soit le titre, soit l'artiste. Bon, allez, on est parti. Bon, là, c'est très simple. Ouais, c'est très simple. On l'a entendu et encore entendu. Et il vient de dire « j'ai cherché ». Elle est sud-américaine et on l'entend elle aussi partout. On l'appelle aussi J-Lo. Bon, je peux pas plus vous aider. Hein. Le titre, on vous l'a donné dans le premier extrait, c'était « J'ai cherché ». Et puis, donc dans le deuxième, elle s'appelle J-Lo. Oui, voilà. Bon, ben sinon, je crois qu'en fait, je vous ai tout donné là. On va du côté du standard. C'est parti. Et on dit bonjour, bonjour à qui ? Bonjour. Ah bah la pêche dès le matin, c'est qui au bout du fil ? C'est Elodie. Ça va Elodie ? Ça va très bien. Elodie, on va faire quoi de sa journée, là ? On va travailler, on va bosser, on bosse dans quoi Elodie ? Dans l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie, ok. Et c'est jusqu'à quelle heure là du coup ? Oh, jusqu'à 15h30. Bon, ouais, quand même une journée assez longue quand même, ça va être 9h. 9h de travail à peu près, c'est ça ? C'est ça. Et vous faites... Ouais. Je n'avais ni que 100. Oh, ok, vous faites quoi dans l'hôtellerie, Elodie ? Je m'occupe de toute la gestion hébergement, en fait. Très, très bien. Bon, ben, si on veut aller à l'hôtel, on appelle Elodie. Voilà, tout simplement. Bon, Elodie, les titres, les artistes, vous les avez ou pas ? Oui. Alors, dites-moi. Alors, le premier, c'est Amir, avec J'ai cherché. Ouais, je l'avais donné. Et puis le deuxième. Et deuxième, c'est J-Lo avec Ain't Your Mama. Jennifer Lopez avec Ain't Your Mama. Bah, si vous donnez le titre en plus, c'est parfait. Vous avez gagné, ma chère Elodie. Bravo à vous. Voilà, vous repartez avec votre double passe pour ce festival de marionnettes. Vous avez des marmailles, Elodie ? Oui, une petite de 3 ans et demi. Ah, bah ça va forcément lui plaire. Forcément. Vous serez... Elle sera ravie. On lui fait un bisou. Elle s'appelle comment ? Moira. Eh ben Moira, gros bisous à toi. Et t'iras avec ta maman au festival de marionnettes. Elodie, on vous souhaite une bonne journée. Merci. Et super pour la première, j'ai tous les matins. Eh ben super, continuez comme ça. Bon réveil à vous et à bientôt. Salut Elodie. Salut. Et voici les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. On a pris l'annoncer le décès de monsieur Sinivassin Chetty Rabin. Sinivassin Chetty Rabin, décès survenu ce lundi 10 octobre à l'âge de 61 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile au 2 chemin Rouania à la ligne Paradis à Saint-Pierre ce mardi. La bénédiction aura lieu à son domicile suivi de la crémation au centre funéraire sud à 15h. Décès de madame Savigny. Née Arail, Madame Savigny, née Arail, Thérèse Gillette, décès survenu le dimanche 9 octobre à l'âge de 73 ans. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire de Bois-Rouge à Sainte-Marie ce mardi à 15h. La bénédiction aura lieu à l'église de la Rivière des Pluies à 15h30, suivie de l'inhumation au cimetière de Bois-Rouge. Décès de Madame Anquin Mathilde, Madame Anquin Mathilde, décès survenu le 9 octobre à l'âge de 96 ans. La veillée se tient au centre funéraire de Prima. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire ce mardi. La bénédiction aura lieu à 10h à la chapelle du centre funéraire de Prima et sera suivie de l'inhumation au cimetière du même lieu. Décès de Madame Maillot-Antoinette Ginette née Caro. Madame Maillot-Antoinette Ginette née Caro. Décès survenu ce lundi à l'âge de 79 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile au 13 allée Poix de Senteur à la rivière Saint-Louis ce mardi. La bénédiction aura lieu à l'église de la rivière Saint-Louis suivie de l'inhumation au cimetière de la rivière Saint-Louis. Décès de Monsieur Grondin Cyril dit facteur. Monsieur Grondin Cyril dit facteur. Décès survenu ce lundi à l'âge de 75 ans. Domicilié à la Ressource Sainte-Marie. La veillée se tiendra au centre funéraire de Bois-Rouge. Décès de Monsieur Samaria Eugène. Monsieur Samaria Eugène. Décès survenu ce lundi à l'âge de 87 ans. L'heure et le jour des obsèques vous seront communiqués ultérieurement. Décès de Madame Taoshi Nadia. Madame Taoshi Nadia, décès survenu ce dimanche à l'âge de 38 ans. La veillée se tient à son domicile, 62 SHLMR, cité Méroc, à Rochemaigre, à Saint-Louis. L'horaire des obsèques sera connu ultérieurement. Réunion première présente aux familles endeuillées, ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Et pas mal de coupures d'eau à prévoir sur les différents réseaux. Les abonnés de la commune de Sainte-Marie, notamment sur la conduite du bras du réservoir Médard, sont concernés. La distribution en eau sera perturbée, voire interrompue, ce mardi à partir de 7h30. Partie basse Grande Montée, lotissement Debussy, rue Numa Mirlo, impasse Flox, rue Tangavel Minacci, Louis Stephen, impasse des Mascareignes, des Manguiers, rue des Pourpiers, impasse du Stade des Bassins. Partie basse de la rue Grande Montée, lotissement Les Palmiers et secteur Carreau, Coton sont concernés. La remise en eau se fera des achèvements des travaux. Sur la commune de Saint-Joseph, la distribution en eau sera interrompue ce mardi sur les secteurs de la route de Grand Coude, partie comprise entre le kilomètre 10 et le kilomètre 12. Chemin Cap Blanc, village de Grand Galet, la remise en eau se fera des achèvements des travaux. Demain, à partir de 8h, la distribution sera interrompue sur le secteur de Saint-Benoît Cratère. La remise en eau se fera en début d'après-midi. Mercredi, toujours demain, réservoir Casala à Saint-Joseph, bas de Jean-Petit, kilomètre 5 et centre-ville sont les secteurs concernés. Des perturbations, voire des coupures se feront sentir. La remise en eau, là aussi, se fera des achèvements des travaux. Et demain, encore deux coupures à signaler, celle à Saint-Denis, distribution interrompue à partir de 8h, allée des Clémentines, chemin du Plateau, Forestière, route Gabriel-Massé, partie comprise entre le réservoir à Tectam et le rond-point d'Aumingeau, rue Jean Moulin, rue Marcel Vautier. La remise en eau est prévue à partir de 16h, sauf incident. Et puis à la possession, allée Cerneau, Galéron, chemin Cap Noir, rue de la Petite Source, rue Joseph Nourry, Père Lucien Courteau et les voies adjacentes sont concernés. À partir de 8h jusqu'à midi, remise en eau, sauf incident. Allez, bon début de journée avec nous. Vous êtes bien sur Première, vous y êtes bien installés. Alors, bah, restez-y au moins jusqu'à 8h. On revient avec l'actualité, Stéphanie Lorac, dans 3 minutes, juste après Vianney. Pas là. Je suis une cruche, percée de plus. J'ai la peau craquelée, depuis toi desséchée. Quand vient la lune et le vent frais, par habitude, je te cherche sur le canapé. Dieu qu'elle est loin, la nuit de liesse, où j'ai trouvé ta main, bien avant la tristesse. Tu me traquais, tu m'avais vu, tu m'as pris au collier, et mon cou tu l'as tordu. Je t'en dois, si les tiennes sont moi. Non, je ne t'en veux pas. T'y vas la vie, enfin, surtout la tienne, je m'abrutis à jouer les fontaines. Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là. Artiste interprète de l'année aux Victoires de la Musique 2016, Vianney avec Pala. Bienvenue à tous, c'est Grand Matin et il est 6h. Toute l'actualité de ce mardi 11 octobre avec Stéphane Anilorac. Bonjour Stéphane. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Comment des enfants ont-ils pu être arrachés à des parents qui n'ont pas signé d'acte d'abandon? Pourquoi cet exil forcé? Sylvie, actuellement en vacances dans son île natale, attend des réponses alors que pour la première fois aujourd'hui, la Commission nationale des enfants de la Creuse se réunit dans le département. Suite de la grève aujourd'hui dans les hôpitaux du CHU, l'intersyndicale a certes obtenu des garanties hier concernant la titularisation de 176 agents précaires, mais elle exige un calendrier et appelle par ailleurs le ministère à combler un déficit de 20 millions d'euros. Un Réunionnais sur quatre a déjà connu une situation de détresse psychologique. 1 sur 10 souffre de dépression. L'Agence régionale de santé a mené une étude inédite sur notre santé mentale. Les détails dans ce journal. Et enfin, la Chambre d'agriculture est en bonne santé financière, selon son président. Le budget 2016 et le plan de développement jusqu'à 2018 ont été adoptés hier en session plénière. C'est l'une des pages les plus sombres et douloureuses de l'histoire de notre île, l'immigration forcée vers l'Hexagone de plus de 1600 enfants réunionnais dans les années 60-80, les enfants de la Creuse. Il y a 2 ans, l'Assemblée nationale adoptait une résolution dans laquelle elle demandait à ce que l'État reconnaisse sa responsabilité morale dans cette triste histoire. Mais au-delà de cette reconnaissance, ces enfants devenus adultes veulent aussi comprendre ce qu'il s'est vraiment passé. Ils auront peut-être des réponses alors que se réunissent pour la première fois dans l'île, les experts de la Commission nationale des enfants de la Creuse. Et ça se passe aujourd'hui à la préfecture de Saint-Denis, une commission à laquelle Sylvie Pranville sera particulièrement attentive. Âgée aujourd'hui de 49 ans, elle en avait 4 quand elle a été envoyée en France avec son frère Jean-Bernard. Sylvie Pranville, très en colère, n'hésite pas à parler de crimes contre l'humanité. Pendant des années, je ne comprenais pas cette colère que j'avais en moi. Je ne savais pas mettre de mots dessus. Aujourd'hui, je peux et aujourd'hui, je veux également des réponses. Qu'on puisse voir ce qu'il y a exactement dans les dossiers. Le dernier endroit que j'ai fréquenté, c'est la pouponnière de Saint-Denis. Mais sinon, je sais qu'avant, on était un petit peu à droite à gauche, mais j'en sais pas plus. Donc j'aimerais connaître ce parcours de 0 à 4 ans et surtout savoir comment ça a été possible d'enlever des enfants à des parents qui n'ont pas signé d'acte d'abandon pour qu'ils puissent être adoptés de façon plénière. Parce que mes frères et sœurs ont également été placés dans des familles mais sont restés sur leur île. Nous, avec JB, c'est un exil. Pourquoi nous ? Ce qui est fait, mais ça permet quand même de se sentir plus serein. Sylvie Pranville, une enfant de la Creuse, interrogée par Priscilla Etève. Hier matin, à la même heure, vous avez peut-être été coincé dans les embouteillages dans le secteur de Belle-Pierre. Il y avait un barrage filtrant mis en place devant le CHU par les syndicats FO, CFTC et UNSA Santé. Et depuis vendredi, les agents hospitaliers des antennes Nord et Sud sont en grève. Ils dénoncent un manque d'accompagnement de l'État depuis la fusion de ces deux antennes il y a 5 ans, ce qui se traduirait par un manque d'agents et une surcharge de travail pour ceux qui restent. Lionel Camachi, représentant de la CFTC Santé à Saint-Denis, nous rappelle les revendications de l'intersyndicale. Nos revendications concernent surtout les non-remplacements des départs à la retraite, des plannings où les agents travaillent à flux tendu avec 3 voire 4 week-ends d'affilée. On n'arrive plus à remplacer les congés de maladie, les congés de maternité, ce qui fait que les soignants sont rappelés sur leur repos. Sur le plan surtout de stagiarisation pour les agents de 2 ans d'ancienneté, en 2011, on était à 27% du contractuel et l'objectif du projet social était de ramener en 2015 ce taux de contractuel à 12%. Et en 2016, on est toujours à 27%. Il y a un souci. Lionel Camachi, représentant de la CFTC Santé, interrogé par Christelle Floricourt et l'intersyndicale qui a été partiellement entendue hier. Les 176 agents du CHU en situation précaire depuis près d'un an devraient voir leur situation se régulariser avant la fin de l'année. Et sur ce point, l'intersyndicale a prévu de rencontrer le directeur du groupe hospitalier dans la matinée afin d'établir les modalités de l'accord. Mais pas de réponse concernant le déficit de 20 millions qui entraverait le bon fonctionnement du CHU. La grève n'est donc pas terminée. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, hier, l'Observatoire régional de santé a publié une étude qui présente pour la première fois l'état de santé mentale perçu par les Réunionnais. Étude réalisée à l'initiative de l'ARS Océan Indien. 2000 Réunionnais de 15 à 75 ans ont été interrogés, avec d'abord des questions assez anodines comme « Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous été nerveux, triste, découragé ?» Les résultats ainsi obtenus permettent d'identifier les populations les plus exposées et donc de planifier une politique de prise en charge adaptée. Les chiffres avec Erwan Poney. Un quart des Réunionnais reconnaît avoir été en situation de détresse psychologique dans l'année qui a précédé l'étude. Ce n'est pas forcément révélateur d'une pathologie ou d'un trouble mental, mais cela traduit un état de mal-être avec des symptômes d'anxiété. 10% des personnes interrogées reconnaissent avoir traversé une période de réelle dépression et 5% avoir eu à l'esprit des pensées suicidaires. Selon cette même étude, les tentatives de suicide au cours de la vie ont concerné 7% des Réunionnais, moins de 1% sur les 12 mois qui précèdent l'enquête. Enfin, 25% des Réunionnais déclarent avoir consommé des psychotropes au moins une fois dans leur vie, 7% sur l'année qui précède les entretiens. Erwan Poney. Après l'annulation de la séance le 3 octobre dernier pour cause de quorum non atteint, la Chambre d'agriculture a pu tenir sa session plénière hier après-midi. Une session au cours de laquelle a été adopté à l'unanimité des élus présents le contrat d'objectifs et de performance. Il s'agit du plan de développement de l'agriculture réunionnaise jusqu'à 2018. Un plan adopté, et ce malgré les divisions affichées au grand jour au sein de la CGPER qui dirige l'institution. L'Assemblée Générale a aussi pu permettre l'adoption du budget 2016, révélant ainsi la bonne santé financière de la Chambre Verte. Et c'est ce qu'explique son président Jean-Bernard Gantier. Le budget, il fallait le modifier. Mais on est quand même avec un bénéfice de 1 300 000 en prévisionnel, ce qui n'est pas rien par rapport à notre situation de l'année dernière. Nous avons aujourd'hui 86 jours de fonctionnement. Donc, pour moi, aujourd'hui, la Chambre, elle fonctionne. Le budget est là. Il nous manque que les fonds FEADER qui doivent arriver, mais j'espère, à temps, pour pouvoir maintenir la tête hors de l'eau. Parce que quand on regarde aujourd'hui les chiffres du budget, avec moins 20% sur les recettes qu'on devait avoir l'année dernière, qui ne sont pas encore tombées sur les fonds FEADER, le premier semestre 2016, on ne l'a pas encore reçu. Et arrivé à ce résultat, moi, je pense que là, on peut guère faire mieux. Jean-Bernard Gontier, président de la Chambre d'agriculture, répondait à Mélodie Nourry. Et puis un mot de sport avant de refermer ce journal. Dimitri Payet a joué hier avec les Bleus dans un match comptant pour les qualifications pour la Coupe du Monde 2018. Les Français qui se sont imposés 1-0 face aux Pays-Bas. Ça s'est passé à Amsterdam, un but de Paul Pogba. Voilà, donc fin de ce journal. On passe maintenant à l'actualité en France et dans le monde avec Alexandra Dubouchereau de France Info. Le ras-le-bol des policiers après la violente agression de 4 agents samedi à Viry-Châtillon dans l'Essonne. Le syndicat Alliance dans le département appelle à une grève du zèle, c'est-à-dire à ne traiter que les urgences. 4 autres syndicats invitent les policiers à se rassembler ce mardi à la mi-journée devant les commissariats. Une colère qui n'a pas été apaisée hier par la visite du Premier ministre Manuel Valls et du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, malgré leurs promesses de moyens supplémentaires et de fermeté. Londres fait un pas en avant et s'engage à accueillir tous les mineurs isolés de la jungle de Calais qui doit être démantelé prochainement à condition qu'ils aient un lien familial au Royaume-Uni. Et c'est ce qu'a déclaré hier soir la ministre de l'Intérieur britannique Amber Rudd. De leur côté, les associations Emmaüs et le Secours Populaire demandent le report du démantèlement du camp et menacent en filigrane d'une action en justice contre une chasse aux exilés. François Hollande s'exprime aujourd'hui devant le Conseil de l'Europe à Strasbourg. Une première depuis Jacques Chirac en 1997. Un discours sur la démocratie et les droits de l'homme qui intervient en pleine crise diplomatique sur le dossier syrien entre les Occidentaux et la Russie, elle aussi membre de cette organisation. François Hollande dénonce les crimes de guerre commis à Alep et hésite toujours à recevoir son homologue russe, Vladimir Poutine, lors de son passage à Paris le 19 octobre prochain. En Allemagne, le Syrien de 22 ans arrêté la nuit dernière à Leipzig, après 2 jours de cavale, préparait un attentat à la bombe dans l'un des aéroports de Berlin. C'est ce qu'a révélé hier soir le patron du renseignement intérieur. La Grèce va recevoir 1,1 milliard d'euros d'aide. Décision hier des ministres européens des Finances réunis à Luxembourg. La deuxième tranche, 1,7 milliard destinée au financement d'arriérés, sera débloquée plus tard sous conditions. Samsung annonce l'arrêt des ventes et des échanges de ses Galaxy Note 7. Le numéro 1 mondial des smartphones demande à tous les possesseurs de ces téléphones de les éteindre et de ne plus les utiliser. Comme pour le précédent modèle, la batterie risque de s'enflammer. Et puis, Michael Jackson détrôné. Le rappeur canadien Drake vient de battre le record détenu depuis plus de 30 ans par la légende de la pop. Hier, il a été sélectionné dans 13 catégories pour les American Music Awards qui sont remis le 20 novembre prochain à Los Angeles. Ces prix sont attribués par un vote des fans et non par les professionnels du secteur comme pour les Grammys. En football, la France prend la tête de son groupe à égalité avec la Suède après la victoire des Bleus hier à Amsterdam. 1-0 grâce à une frappe à 30 mètres et à la 30e minute signée Paul Pogba lors de la troisième journée des éliminatoires du Mondial 2018. Le rugby, c'est l'impasse. Les joueurs du top 14 refusent toujours de jouer le 24 décembre comme le demande la Ligue nationale de rugby. Ils veulent pouvoir passer le réveillon en famille et menacent d'une action collective d'après le syndicat des joueurs professionnels. Et ce matin, on réveille 5 degrés à la plaine des Cafres, 21 Saint-Denis. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Et c'est souvent sous le soleil que vous allez vous réveiller, et puisque ça y est, le lever du jour c'est fait, et vous allez pouvoir profiter du soleil une bonne partie de la journée, même si quelques nuages vont venir donc jouer les troubles faits dans les hauts, notamment à mi-pente, une belle couronne nuageuse qui va s'installer en cours d'après-midi, mais le temps va demeurer calme, donc avec certainement très peu d'averses sous les nuages. Il y a bien quelques nuages qui vont s'étaler jusqu'au littoral, mais globalement, la côte bénéficiera de belles éclaircies, tout comme d'ailleurs les plus hauts sommets de l'île, et les cirques qui resteront dégagés une bonne partie de la journée. Température maximale jusqu'à 28 degrés sur le littoral. Il fera par exemple 27 degrés au port, 18 au volcan et 23 degrés à Sillaos. Et puis le vent va souffler aujourd'hui entre Saint-Pierre et la région du Sud Sauvage et de l'autre côté de Saint-Benoît à Saint-Denis. Comptez des rafales de 50 km par heure. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. L'info trafic, c'est tous les quarts d'heure avec Jean-Claude Machir qui nous attend à la marine. L'inforoute vous est offerte par QTEC, machine à boire réunion. Et Jean-Claude, les traditionnels ralentissements de Saint-Paul vers Saint-Denis sont encore présents ce matin. Salut Jean-Claude. Eh oui, bonjour Mickaël, bonjour La Réunion, bonjour à vous qui nous recevez à l'instant. Effectivement, traditionnel bouchon qui a commencé là depuis 6h moins le quart du côté de Saint-Paul, juste à la sortie du viaduc, et on en est en même stade pour l'instant. Par contre, alors si vous êtes dans le secteur du pont Vinsane, dites-nous ce qui se passe juste après ce pont Vinsane, car le pont Vinsane ainsi que le boulevard U2 sont saturés sans raison apparente. Sur les caméras de la direction régionale des routes, on ne voit pas ce qui se passe. Une équipe est partie afin de savoir s'il y a un accident ou un véhicule en panne. Je vais certainement revenir sur mes pas. Mais en tout cas, ça coince sur le pont Vinsane, sur le boulevard U2. Alors si vous êtes dans le secteur, n'hésitez surtout pas à nous appeler au 02-699-2000. Les ralentissements du côté de l'entrée ouest, pour l'instant, ne sont pas trop conséquents. Vous êtes ralenti juste au niveau de la caserne Lambert. Par contre, ici, eh bien, on a déjà un petit ralentissement au niveau de la marine, avec une zone ralentie aussi à la ravine des Chèvres. Une fois dépassée la ravine des Chèvres, arrivée à Sainte-Marie, la circulation se fluidifie en direction de Saint-Denis. Mais on a cette difficulté sur le pont Vinsane qui est assez conséquente pour l'instant. Donc si vous dans le secteur, merci de nous en informer. Prudence et bonne route à vous. Oui, Jean-Claude, vous avez bien raison, hein, qu'on appelait sur le 0262 99 2000, et puis pourquoi pas un petit message 06 92 70 2000. Il se passe des choses sur le pont Vinsane, on n'en sait pas plus pour le moment, mais on vous promet l'information avant 8h. L'inforoute vous a été offerte par QTEC, machine à boire réunion. 5h, 8h, grand matin avec Mickaël Laurette. Pas avant 8h, même avant. Avant certainement 6h30. On attend l'info en tout cas. Et puis bah, si vous l'avez, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous texter sur le 70-2000. Et qu'est-ce qu'on va faire aussi à ce numéro-là du standard? Bah, vous faire gagner encore une fois de l'argent à mettre dans la poche. On vous remplit le panier de courses à nouveau ce matin dans Grand Matin parce qu'on a envie de vous faire plaisir. C'est comme ça. Bah, on est comme ça dans l'équipe de la matinale. Comment on fait? On appelle, hein, encore une fois, 0262 99 2000. Non, pas toi DJ Fou, toi tu appelles pas, toi tu retournes à tes mix. Faut que t'apprennes, parce que là ça fait quand même depuis le 15 août que t'arrives toujours pas à mixer. Commencez à appeler, 0262 99 2000. Et puis pendant ce temps-là, eh bien on écoute Mazok avec Frérot, puis on ira sur le marché aussi avec Prisca, hein, qui nous attend à Beau Séjour ce matin pour découvrir des fruits et légumes insolites. Voici Frérot, bon réveil. Allons pêcher, mets ton bédel sur ton dos, oublie pas bouteille de l'eau. Nous n'a la journée frérot, emmène affaire pour manger. Noix c'est soufflé là-haut, risquable aujourd'hui ça fait chaud. Rappe ton golette frérot, allons pêcher, mets ton tempête elle suit ton dos. Oublie pas bouteille de l'eau. Nous la journée frérot. Emmène affaires pour manger. Noix si souffle là-haut. Jusqu'à tordi ça fait chaud. On tente comme il gazouille. Laisse la oubé assez doucement et cool. Laisse la oubé assez doucement et cool. La brise y chatouille d'un coup. L'air marin y mouille n'a point mauvais goût. L'air marin y mouille n'a point mauvais goût. On tente comme il gazouille. Laisse la oubé assez doucement et cool. Laisse la oubé assez doucement et cool. La brise y chatouille d'un coup. L'air marin y mouille n'a point mauvais goût. Médiaou. En sirop, son reflet fait à moitié d'eau. Cigalène à plein petit cabot. Toi tu droges en sœur disco. Mets ton chapeau frérot. T'as qu'un coup de bambou. Soleil qu'on y a marteau. Ça y donne mal d'un coco. La mer l'est en sirop. Son reflet fait à moitié d'eau. Cigalène à plein petit cabot. Toi tu droges en sœur disco. Mets ton chapeau frérot. T'as qu'un coup de bambou. Soleil qu'on y a marteau, ça y donne mal d'un coco. Mais trouve que les gaillards, assis côté ou même si nos corps. Le réveil, ça se passe sur Première avec Mazok, frérot. Eh bien, vous avez été réactif hein, sur le 06 92 70 2000. Et oui, on les avait presque oubliés, mais il y a toujours ces barrages filtrants du côté du CHU de Belle-Pierre avec cette grève du personnel. Alors, pour les embouteillages, c'est donc ce barrage qui cause le souci et notamment le bouchon sur le pont Vinsane. Et un agent de police fait la circulation. C'est ce que nous dit Diane. Grève au CHU aussi. Là, c'est un anonyme qui nous donne le message sur le 06 92 70 2000. Voilà, donc apparemment, ça bouge du côté du pont Vinsane à cause justement de cette grève au CHU de Belle-Pierre et de ces barrages filtrants. Allez, on revient, à tout de suite. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Le Grand Raid 2016, c'est sur Réunion Première. Du 20 au 23 octobre, vivez les trois courses, la Diagonale des Fous, voilà qui s'élance, le Trail de Bourbon et la Mascarène. Réunion Première au cœur du Grand Raid, avec des correspondants au plus près des coureurs, des invités, des consultants et des spécialistes en direct tout au long de l'événement. Par rapport à sa préparation, par rapport à la nature. Analyse, classement, résultats, interview. Le Grand Raid 2016, c'est sur Réunion Première. Suivez le Grand Raid avec Canal Grand Raid. Partagez la passion des coureurs avec Dynamalt, boisson énergétique officielle du Grand Raid. Suivez tous les exploits du Grand Raid avec les SUV Peugeot, partenaire officiel. À pied, à vélo, sur l'eau, participez au week-end nature du 1er au 30 octobre. Découvrez des trésors de biodiversité dans nos espaces naturels sensibles. Plongez dans les forêts primaires, explorez des sites exceptionnels et des paysages à vous couper le souffle. Visites guidées et ateliers gratuits tous les week-ends du mois d'octobre et pendant les vacances scolaires. Retrouvez le programme sur www.cg974.fr et réservez dès maintenant au 0262 97 59 59. Avec le département, préservons notre environnement. Première. Première. Allez, c'est le moment d'appeler 0262 99 2000. On remplit votre panier de fruits et légumes maintenant, 20 euros. Et vous pourrez aller dépenser chez Espace Fraîcheur, dans le nord, le sud, l'ouest, l'est. C'est le moment, parce qu'après, il sera un peu trop tard. On va voir quelle région choisit ce matin. Et je sais pas, moi, j'ai ma petite idée. Est-ce qu'on n'irait pas du côté du nord ou de l'ouest? Ouais, c'est le choix. Au choix, les amis, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que t'en penses, DJ Fou? Allez, on va du côté de l'ouest. Allez, on file dans l'ouest et on va choisir un gagnant ou une gagnante. Ça va être plutôt une gagnante d'ailleurs. Sur une case gagnante, ça peut nous donner par exemple Saint-Paul, voilà. Et ça peut nous donner une dame en vacances, ou une demoiselle, je sais pas. Salut Aurélie. Bonjour. Bonjour, bonne demoiselle, tiens, voilà. Ça va, Aurélie ? Oui, ça va très bien, ouais. Merci à vous. Bah, c'est très très bien, vous faites quoi de vos vacances ? Là, je suis chez mes parents, ouais. Et je profite pour prendre l'air frais dans les Hauts-de-Saint-Paul. Ah bah ouais, pourquoi pas. Et on fait quoi habituellement, Aurélie, sinon ? Habituellement, je suis en BTS à Saint-Denis. Ah, très bien. Et là, on va prendre des vacances, et on va faire quoi de ces vacances ? Surtout se reposer et profiter... de voir sa famille. Eh bah ouais, c'est vrai que c'est bien parce qu'on la voit pas tout le temps quand on travaille après dans les études. C'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué. 20 euros que je vous donne chez Espace Fraîcheur, comme ça au moins vous pourrez manger de bons fruits et de bons légumes pendant les vacances. Pourquoi Merci pas. Merci beaucoup. Ben justement, je vais donner le panier à ma mère pour qu'elle vous fasse un bon plat. Eh bah pourquoi pas. Tiens, et puis invitez-nous tous avec toute l'équipe de. Pourquoi pas, la maison est ouverte. Eh bah super. Merci Aurélie, je vous souhaite de bonnes vacances. Merci et je fais un coucou à mes parents qui vous écoutent tous les matins, Nadine du Guillaume. Eh ben Nadine du Guillaume, bisous à toi. Et puis c'est qui le papa ? Carl. Eh ben Carl aussi, Carl et Nadine. Salut Aurélie. Bonne journée à vous. Bonne merci. Journée, bon réveil. Merci. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Allez de Saint-Paul, on passe à beau séjour, c'est la magie de la radio, avec Prisca, toujours avec ça, les sapotis, les jaboticabas, où on a changé un peu ben de... Oui. Ouais. On fait connaissance avec Mimose. Mimose, venez faire un petit coucou. Bonjour Mimose. Bonjour. Bonjour. Comment ça va Mimose? Ça va très bien. Oui, ben où la mets toute basket grand matin. Ah ben, tout marchait là. Oui, où tout ça marchait. À Saint-Suzanne. Donc là où vient faire un petit tour au marché forain. Voilà, pour chercher mes légumes et mes fruits. Mmh. Et après, parce que comme on va rentrer, il n'y aura plus grand chose après. Mmh. Pour finir plus tôt. Ouais. Les premiers arrivés, c'est les premiers servis. Voilà. Et combien de kilomètres de marche au feu le matin? Ben là, on va faire 17 kilomètres. Ah ouais, quand même. Mimose, wow. Okay, elle est courageuse. Faut prendre exemple, hein. Faut bon, prendre exemple. Mimose, excuse-moi, mais je viens pas avec quoi. C'est très bien, tout bien. J'ai une émission de radio à faire. Hein. Merci, comme par hasard. L'excuse à deux balles. Ouais. Hein, bon, on va vous présenter Bertrand et Gilou, deux dallons de carreaux, parce qu'on connaît ici, ils appellent ça bonne carreau. Ouais, ouais. Donc Bertrand, comment il est Bertrand? Bonjour. Il est en train de servir Joël, ça va? Doucement. Salut Bertrand. Et aujourd'hui c'est la journée internationale des filles. Vous faites un prix pour les filles qui vont venir sur le marché? Allez, soyons fous. Bien sûr, pas de problème ça. Combien? 10%, 5% de remise? Ah ben je connais pas, faut le voir devant nous. faut voir qui c'est. Hey, il est malin. Hey. Il négocie en fonction. Voilà. Le feeling, oui, bien sûr. Bertrand, vous avez ramené quoi comme fruits? Vous avez des mangues vous? Non, pas encore. Et des pastèques. Pastèques, ananas. Tangor. Ah, et ce sont les derniers tangors. Non, encore, combien? Ouais, moi, on va dire. Oui, mais combien le kilo? 2 euros. Bon, ça va, la remonte un peu quand même. Il y a un mois de ça, ça coûtait 1 euro. Vous vous souvenez, Mika? Eh oui, ça a remonté, hein, effectivement. Allez, on va parler avec Gilou. Gilou, bonjour, comment bonjour, il est? Bonjour Gilou. Ah, super, génial. Bon Gilou, vous venez de Salazy. Bonjour. Et vous avez l'intention de nous en dire plus sur la culture de la salade. Bien sûr. Vous avez une minute. Là, du coup, arrêtez avec l'hydroponie. Là. C'est quoi l'hydroponie? L'hydroponie, c'est, en fin de compte, on prend de la salade que dans l'eau et l'engrais. Ouais, donc, ouais. On a un bac de réserve d'engrais. Et du coup, c'est une alimentation générale, un circuit fermé que... Vous êtes contre ce système? Ah, contre le système. Pourquoi? Trop de l'engrais, soi-disant on dit faut préserver les gens, mm-hmm. pas de produits chimiques, ouais. Et là on met que de l'engrais. Donc c'est pas oui, bon les, ça. Non, c'est pas bon. Bon. Voilà. Il vaut mieux planter les salades dans pleine terre. Mais bien sûr, ça c'est logique. Le message est passé. Le message est passé. Et combien la salade? Mais toujours 80 centimes, c'est pas une. Ok, on vous attend ici sur le marché pour un beau séjour. Et puis rendez-vous tout à l'heure, les amis. Il y a de quoi faire. Pour ça qui aime Carrie Poisson, on va échanger ensemble des recettes sur le marché forain de beau séjour dans la colle Jacques entre 8h et 10h. C'est bien, on a déjà l'idée menu, la petite salade à l'entrée et puis derrière le petit Carrie Poisson. Sympa. Et puis en dessert, du sapotis ou de la mangue José. Eh ben voilà. Jaboticaba. Pourquoi pas. Alors oui, ou jaboticaba. Moi, je serais plus mangue José. Ouais. Pour les images, connectez-vous sur la page bleue de Réunion Première. Comme toujours, hein, Prisca qui fait ses petites vidéos et ses photos sur la page Réunion Première. À tout à l'heure, Prisca. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Allez, on parle économie dans cette matinale avec le projet de loi pour l'égalité réelle. On en parlait tout à l'heure, enfin hier plutôt, avec Philippe Naillet, et qui était l'invité de Philippe Dornier. Le projet en Outre-mer sera voté donc ce mardi à l'Assemblée. Décryptage des mesures économiques contenues dans le texte. La chronique éco, Tessa Gromagne. Aujourd'hui, c'est l'égalité réelle que nous devons accomplir. C'est l'intérêt, non pas simplement des Outre-mer, c'est l'intérêt de la France tout entière. Le 10 mai 2015, depuis la Guadeloupe, François Hollande confirmait un engagement qu'il avait pris 6 mois plus tôt, donner aux Outre-mer les moyens de s'aligner économiquement et socialement sur l'Hexagone. En mars 2016, le député Victorin Lurel, chargé de fixer les orientations de ce programme, remet sa copie au gouvernement. En substance, il propose un alignement sur les aides sociales hexagonales, mais suggère des mesures spécifiques pour développer l'économie Outre-mer. Le tout encadré par un plan de convergence qui oblige les collectivités locales à maintenir le cap sur 20 ans. Victorin Lurel, à l'issue de son audition devant l'Assemblée nationale le 20 septembre dernier. On ne touche pas aux acquis, notamment en termes de rémunération, en termes de protection sociale. Au contraire, il faut donner de nouveaux droits, de nouvelles prestations, de vraies avancées en matière sociale, mais aussi en matière économique. Ce n'est pas simplement courir après un rattrapage, c'est mieux exploiter nos potentialités, nos ressources propres, nos atouts. Le développement économique passe par l'activité des entreprises. Le texte préconise qu'un tiers des marchés publics en Outre-mer soit réservé aux entreprises locales. Une mesure audacieuse, mais qui risque d'être rejetée par la réglementation européenne, soucieuse de ne pas favoriser une région par rapport à une autre. Autre proposition, transformer tout l'Outre-mer en une vaste zone franche. En clair, défiscaliser tous les emplois et surtout simplifier les dispositifs actuels que les micro-entreprises ont bien du mal à comprendre. Le projet ne serait pas pour tout de suite, mais pour 2019. Enfin, les seuils d'assujettissement à la TVA pour les micro-entreprises pourraient être relevés de façon significative, ce qui favoriserait l'emploi et permettrait à certaines sociétés de sortir de la zone grise de l'économie parallèle. Toutes ces mesures ne sont pas encore adoptées et l'opposition ne voit pas forcément le texte d'un bon œil, comme Alain Juppé qui s'est exprimé à son sujet le 1er octobre dernier. L'égalité en soi est toujours une bonne chose, sauf qu'il faut y mettre des choses concrètes. Pour l'instant, c'est plus une déclaration d'intention qu'autre chose. Et puis je ne suis pas sûr que rechercher systématiquement et en tout la convergence entre la métropole et les territoires d'outre-mer soit la bonne solution. Prenons en compte aussi les différences, les spécificités. L'égalité ne veut pas dire égalitarisme. Une fois votée à l'Assemblée, la loi sur l'égalité réelle doit passer devant le Sénat. Retrouvez la chronique éco en podcast sur lapremière.fr. Allez, bon réveil, allez, grand matin. 6h30, c'est l'actualité avec Cécile Thomas. C'est à Gillo. And your mama. Lopez avec Entio Mama sur Rayon Première et dans Grand Matin. On file à Champfleury avec Jean-Claude Machir. L'inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre, www.ismaëlabboudou.com. Jean-Claude, est-ce qu'il y a toujours des bouchons sur le pont Vinsan? Oui. C'est pas prêt de se terminer. Ouais. En fait, la raison, elle est simple. Il y a un mouvement de grève au CHU. Alors, c'est pour ça que vous êtes... Ouais, et ça provoque de gros ralentissements. Donc, si vous ne devez pas passer sur ce boulevard sud, préférez plutôt le front de mer de Saint-Denis, qui, lui, est encore fluide, malgré ce petit ralentissement que l'on connaît au niveau de la caserne de Lambert. Mais ça roule mieux sur le front de mer et dans les deux sens de circulation, que ce soit en provenance de l'Est. Vous êtes du côté de la Marine, ça roule, même si la circulation est dense, mais on y est quand même à 90 km/h. Une bonne moyenne pour venir sur Saint-Denis. Le ralentissement, bien les deux ralentissements que l'on a ce matin, c'est celui du pont Vinsan et le viaduc de Saint-Paul en direction de Saint-Denis. Patience si vous êtes dans ces ralentissements et bonne route à vous. L'inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre, www.ismaëlabboudou.com. Bon début de journée avec nous sur la première. 6h30. Toute l'actualité de ce mardi 11 octobre avec Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Les histoires personnelles des enfants de la Creuse examinés à La Réunion. Les experts d'une commission d'enquête nationale sont actuellement dans l'île. Ils se réuniront aujourd'hui à la préfecture pour travailler sur ce douloureux dossier. Vous entendrez dans ce journal Jean-Thierry Chéroux. Il a quitté La Réunion à 7 ans. Il sera l'invité de la matinale de Réunion Première dès 7h15 avec Philippe Dornier. La grève se poursuit au CHU. Une partie des revendications des grévistes ont été entendues hier. Il reste certains points de désaccord. Les secousses à la Chambre verte. La séance plénière a pu se tenir hier. Le budget modifié a été voté, mais les tensions au sein de la CGPER ont été visibles lors des débats. Et puis, il n'y a pas d'âge pour créer son entreprise. L'ADI vous informe et vous accompagne en ce sens toute cette semaine. Explication dans ce journal. Ils ont quitté leur famille ou les orphelinats dans lesquels ils étaient placés, envoyés dans un avion en France métropolitaine pour être adoptés. C'est un pan très cruel de l'histoire de La Réunion, celui des enfants de la Creuse. On dit enfants de la Creuse car de nombreux marmailles ont été accueillis dans ce département en manque d'enfants. Pas facile de remuer un passé aussi sombre, mais cette fois, l'État a enclenché des démarches. Une commission nationale a été créée pour faire toute la lumière sur cette affaire. Et pour la première fois, des experts se réunissent à La Réunion. Le rendez-vous est pris aujourd'hui à la préfecture à Saint-Denis. 1615 petits réunionnais ont été envoyés dans l'Hexagone dans les années 60 à 80. Pourquoi ? Comment ? L'État s'est donc engagé à donner des réponses. Les enfants, eux, ont grandi. Ils demandent aujourd'hui à comprendre. C'est le cas de Jean-Thierry Chéroux. Il est actuellement à La Réunion. C'est la première fois qu'il revient. Il avait quitté l'île à l'âge de 7 ans dans des conditions qui restent floues pour lui. Ce que j'entends dire, ce n'est pas du tout clair, les parents n'étaient pas du tout au courant. Moi, ce que je me souviens, c'est que je traînais dans la rue, c'est sûr. La famille n'était pas aisée, carrément pauvre, on peut dire. Et je ne me souviens pas du tout de la façon dont j'ai été amené à l'orphelinat. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Comment ça a été décidé? Amener des gamins sans leur consentement pour soi-disant repeupler des départements, moi qui l'ai vécu de l'intérieur, je trouve ça complètement aberrant. Les déraciner complètement et qu'ils puissent s'adapter ou se construire en tant qu'homme. C'était peut-être une belle idée d'un point de vue politique, mais humainement, une connerie. On peut le dire, une connerie, quoi. Jean-Thierry Chéroux au micro de Priscilla et Thève. Il sera l'invité de la matinale sur Réunion Première. Il répondra aux questions de Philippe Dornier à partir de 7h15. Attention, si vous circulez du côté de Belle-Pierre, la grève se poursuit au CHU. L'intersyndicale FO, CFTC, UNSA, CGTR et Sud appellent à cesser le travail et installer des barrages filtrants aux abords, de l'hôpital. Les départs à la retraite et les congés maladie et maternité ne sont pas remplacés. C'est trop de travail pour les agents qui restent, disent les syndicats. 27% des agents sont contractuels alors que ce taux devait être ramené à 12% depuis l'année dernière. Sans compter que l'établissement accumule un déficit de 20 millions d'euros depuis la fusion des antennes Nord et Sud. Une délégation a été reçue hier après-midi par le directeur de l'Agence régionale de santé, François Maury. 176 agents qui devaient être donc intégrés depuis l'année dernière devraient l'être avant le 31 décembre de cette année. Écoutez les explications de Jean-Yves Waro de la CFTC. Ces 176 postes, on vient d'avoir l'engagement de Monsieur Maury de l'ARS, sera respecté avant le 31 décembre de cette année. Et il va contacter notre directeur général qu'on va rencontrer pour qu'il donne les modalités de l'application donc de cet accord. Par contre, Monsieur Maury nous a pas répondu sur le deuxième point qui est le déficit de l'établissement, des 20 millions. Et il nous confirme que ce sera certainement même plus de 20 millions en fin d'année. Donc ces 20 millions feront l'objet d'une autre discussion et dans une autre revendication où on prendra un autre rendez-vous pour régler ce système qui n'est pas de son ressort, mais qui est du ressort du ministère de notre tutelle, donc de Madame Touraine. des propos recueillis par Christelle Fleury-Court. Le mouvement de grève donc continue, mais il ne devrait pas avoir de répercussions sur les soins des patients. En revanche, sur la route, c'est plus compliqué puisqu'il y a des barrages à côté de l'hôpital. L'accès aux droits pour tous et partout. La ville du Port a inauguré hier un point d'accès aux droits en présence de professionnels de la justice, des huissiers, des avocats, un procureur. Ici, les conseils sont gratuits, ils sont anonymes. Il s'agit de permettre à chacun de se renseigner en cas de problème juridique ou administratif. Le lieu de rendez-vous est symbolique. Le point d'accès aux droits du Port est installé à la place de l'ancienne maison de justice et du droit qui avait été incendiée lors des émeutes de 2012 dans la ville. Delphine Poudroux a rencontré Nathalie Clotagathilde, elle est agent référent au point d'accès aux droits du port. Nathalie Clotagathilde a ce petit quelque chose de rassurant, cette sacrée dose d'empathie et une telle discrétion qu'on la choisirait très facilement pour être notre confidente. Depuis 16 ans en tout cas, elle conseille les portois sur leurs droits. Et aujourd'hui, c'est souvent pour des problèmes relationnels qu'on la consulte au point d'accès aux droits. En une journée, je peux recevoir 4 demandes de divorce. Les gens ne s'entendent plus. Habiter, cohabiter devient de plus en plus difficile. Mais ce n'est pas seulement dans le problème de couple, mais dans le travail. On retrouve entre associés. Voilà, les gens ne s'entendent plus. Pour autant, quelles que soient les situations, Nathalie Clotagathilde se doit d'être à l'écoute, coûte que coûte. En fait, je ne dois pas montrer mes émotions. Ça, non. Je dois être dans une attitude compréhensive. Dès qu'ils sentent qu'il y a la discrétion sur le problème, ils se lâchent. Donc il y a la discrétion, il y a quoi d'autre ? Le silence. Les gens aiment bien parler dans un cadre silencieux. En tout cas, pas question pour elle de juger ces situations. Son rôle est d'orienter ses interlocuteurs vers un avocat, un huissier ou une association. En clair, les ramener à des connaissances basiques sur leurs devoirs et leurs droits. Un reportage de Delphine Poudroux. On parle droit encore, mais droit à l'initiative économique. C'est le credo de l'ADI qui lance ce message. Il n'y a pas d'âge pour créer sa boîte. À La Réunion, en 2015, l'association a financé les projets de plus de 1200 personnes, dont 454 jeunes. Mais l'âge ne doit pas être un frein à la création d'entreprises. Personne n'est ni trop jeune, ni trop vieux. David Gondonneau est le directeur régional de l'ADI. On essaie de porter une attention particulière plutôt aux jeunes et aux seniors, donc moins de 30 ans et plus de 45 ans, qui est un public particulièrement touché pour l'accès au crédit bancaire pour pouvoir créer leur boîte. On a 8 rencontres dans des pôles emploi et puis 3 mairies qui ont joué le jeu avec nous aussi pour nous mettre à disposition des salles. Où on va recevoir en fait le public désireux de créer son emploi, où vous aurez un référent du Pôle emploi, un bénévole de l'ADI, un conseiller ADI et un témoin qui vous donneront en tout cas des solutions pour démarrer votre entreprise dans les meilleures conditions. David Gondonneau, directeur régional de l'ADI, répondait à Mélodie Nourry. Des sessions d'information collective et des forums d'information sont organisés donc jusqu'à vendredi dans l'île. Pour savoir s'il y en a près de chez vous, renseignez-vous au Pôle emploi ou alors sur la page Facebook ADI.LaRéunion. Et ce sera aussi le sujet de C'est dans l'actu avec Philippe Dornier dès midi 15. Vos questions, vos réactions au 0262 99 2000. Du mieux, mais pas de grande entente à la Chambre d'agriculture. Le 3 octobre dernier, la séance plénière avait dû être reportée faute de quorum. Mais hier, les élus se sont retrouvés pour se prononcer sur le projet modifié de la Chambre. Budget adopté, mais les discussions ont mis en évidence les tensions au sein de la CGPER, le syndicat agricole majoritaire à la Chambre. Reportage Mélodie Nourry. Moi, je pense que là, on peut guère faire mieux. Jean-Bernard Gontier est on ne peut plus satisfait. Les voyants sont enfin ouverts à la Chambre d'agriculture. Le budget, il fallait le modifier. Mais on est quand même avec un bénéfice de 1 300 000 en prévisionnel, ce qui n'est pas rien par rapport à notre situation de l'année dernière. Et là, il nous manque que les fonds FEADER qui doivent arriver, mais j'espère, à temps pour pouvoir maintenir la tête hors de l'eau. Soupir de soulagement de ce côté-là, mais le président de l'organisme a quand même essuyé quelques âpres critiques des membres de son propre camp. Jean-Yves Minacci et d'autres élus ont fortement désapprouvé le contrat d'objectifs et de performance 2015-2018. Le président de la CGPER n'étant d'accord ni sur le fond, ni sur la forme. Il y a trop de paperasse. Comment voulez-vous qu'un jeune qui s'installe puisse se retrouver avec autant de paperasse ? On a 56 dossiers, 218 pages. Il faut qu'on arrête avec cette bureaucratie européenne. Ça fait des années, c'est comme ça. On répète la même chose. D'autant plus, contrat d'objectif, il n'y a eu aucune concertation. Les gens qui ont travaillé sur ces dossiers, peut-être ce sont des administratifs et quelques élus. Mais pas nous, non. On regrette beaucoup. Il y aurait-il donc de l'eau dans le gaz? À cette question, Jean-Yves Minacci, lui, préfère botter en touche. Vous prenez l'avion, ça va. À un moment donné, avec les trajets, mmh. on a le droit de dire aux messieurs et dames, on va traverser dans une turbulence, attachez vos ceintures. Voilà. Un reportage de Mélodie Nourry. Le plan de développement de l'agriculture réunionnaise jusqu'en 2018 a donc été également voté hier. Merci Cécile. On vous retrouve hein, tout à l'heure pour les unes de la presse. Oui, à 6h50. Avec plaisir. Et sur le ciel, eh bien, on a du bleu et encore du bleu. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. On a peint le tableau en bleu aujourd'hui et on vous offre du soleil dès les premières heures du jour. Un soleil qui va s'imposer une bonne partie de la journée dans les hauts. La couronne nuageuse va s'installer à mi-hauteur sur tous les hauts de l'île. Donc on aura un peu plus de grisaille cet après-midi, mais sur le littoral, les plus hauts sommets et dans les cirques, eh bien le ciel restera donc en grande partie dégagé. Températures qui monteront jusqu'à 28 degrés aujourd'hui sur la côte. Il fera 23 degrés dans les cirques et 17 degrés au volcan. Tout cela avec un peu de vent qui soufflera sur le nord-ouest et le sud-est. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Alors, il y a deux points de ralentissement ce matin à Saint-Paul et puis sur ce fameux pont Vinsane où Jean-Claude Machir est actuellement. L'inforoute vous est offerte par QTech, machine à boire Réunion. Et même cause, mêmes effets, hein, c'est encore les barrages filtrants du CHU de Belle-Pierre qui causent embouteillage. Oui. Tout à fait. Bon, la police est sur place pour essayer de fluidifier la circulation, mais ça reste malgré tout très difficile dans ce secteur en direction du Brûlé pour aller vers Belle-Pierre, vers le CHD. Beaucoup de monde aussi sur le pont Vinsane en provenance de la route du littoral avec des ralentissements qui sont maintenant à la hauteur des potences pour venir sur Saint-Denis. Sur le boulevard U2, le pont Vinsane complètement saturé. Préférez encore malgré tout rester sur le front de mer puisqu'une fois dépassé le pont Pasteur, la circulation se fluidifie en direction de Lancastel-Léopold-Rambaud. Alors ici, beaucoup de monde, même en direction de la route du littoral si vous venez de Champfleury, puisque vous êtes nombreux à ne pas respecter la signalisation sol. La flèche de gauche, c'est pour tourner à gauche. Lorsque vous êtes sur la voie médiane, c'est pour aller tout droit. Et la police est là, elle a bien du mal à faire respecter cette signalisation aux automobilistes. En tout cas, patience dans le secteur. Si vous avez la possibilité d'éviter ce secteur de Belle-Pierre, ne serait-ce que ce matin, faites-le, attendez que ça se dégage. Soyez prudents et bonne route à vous. L'inforoute vous a été offerte par QTech, machine à boire Réunion. 5h, 8h, grand matin avec Mickaël Laurette sur Réunion Première. Et avant 7h, on fera un point avec notre consultant officiel, Jérôme Désiré, à J-9 de l'événement sur Réunion Première, le Grand Raid, comme on le fait toutes les semaines depuis que le compte à rebours a affiché J-30. On est déjà à J-9 maintenant. Vous vivrez le Grand Raid intensément, comme d'habitude, au cœur du Grand Raid, Réunion Première, en radio, en télévision et sur Internet. Et ça sera bien sûr dès lundi prochain. Et depuis très longtemps, hein, déjà en télévision, en radio, on vous en parle. Mais toute l'équipe sera sur le front dès lundi et puis jeudi, bien sûr, pour le départ de la grande course du côté de Saint-Pierre. Jérôme Désiré, donc c'est l'appel réveil. On réveille Jérôme avant 7h, vers 6h50 et des brouettes. Voilà. Et puis, bien sûr, forcément, à cette heure-ci, c'est qui? Eh bien, c'est le Litchi qui revient. Et notre nouvelle addiction, enfin, nouvelle, pas si nouvelle que ça, ça fait quelques années déjà, le téléphone, notre smartphone. Et est-ce qu'on oublie la réalité, justement, quand on a le smartphone en main? Litchi nous répond ce matin, c'est son Sambrocal quotidien. Malgré notre 3G bancal, nous sommes constamment connectés à Internet. Et ça, c'est grâce à nos téléphones portables. Avant, on t'achète un GSM pour être joignable en cas de problème vital. Aujourd'hui, c'est le téléphone lui-même qui est devenu vital. L'éclair, combien de fois dans une journée, Zati regarde son téléphone? Cette addiction se voit surtout chez les adolescents, où sort écoute jeune filleule de 15 ans parce qu'on veut jouer les bons parrains et où emmène aller en ville. Son yeux l'est tellement rivé sur son téléphone ou connaît même plus de quelle couleur il est. T'es mis les côtés où? Il n'est pas cause sans moins? Laisse-moi tranquille. Et qu'importe l'activité qu'on fait, l'île est sur son portable. Ou ça va au cinéma, tout de suite il faut lui prendre une photo, le paquet popcorn, le sale cinéma et que lui mette sur Instagram. En sortant de la séance, il faut lui mettre à jour son profil. Cynthia est allée au cinéma pour voir Fast and Furious. Si vous avez fait un tour Jordan l'état, il faut absolument lui poste une selfie. Il sourit en tranche papaye à côté ou il prend 40 photos, puis quand elle a fini, il fait plus un compte sans mot. Bah Cynthia, qu'est-ce qu'on fait? La fini? Non mais là il faut me choisir la plus jolie photo pour mettre sur Instagram. Ou mange une glace avec lui, il est pareil. 50 photos le cornet de la glace pistache. Après, il perd le temps pour trouver quel filtre les plus jolis. Pendant ce temps, la glace y coule sur la table. Ça pas un baisement.

penser sans arrêt toujours, mais y'a rien qui tue. Vivre ne pas vivre, le paradis est-ce l'enfer? Est-ce la paix, est-ce la guerre? La vie vaut-elle une carrière? Vivre ne pas vivre, être seul, être là, être enfin face à soi-même. Vivre ne pas vivre, être fort, être faible, être encore face à soi-même. Vivre ne pas vivre, être nu, être beau, être beau face à soi-même. Vivre ne pas vivre, être un jour, une nuit, être en vie face à soi-même. Extrait du conte musical, Les Souliers Rouges, Cœur de Pirate, Marc Lavoine et Arthur H. Un coup de cœur de grand matin, c'était vivre ou ne pas vivre. Et voici les unes de la presse à 6h51 parce qu'on va continuer de vivre. Donc on commence avec le quotidien Cécile qui s'intéresse au grand raid aujourd'hui. Encore avec le portrait d'un raideur, pas comme les autres. Non, il se lance un défi en participant au grand raid, le pari fou d'un amputé. L'incroyable pari de Cédric Andrieux, amputé de la jambe droite en 2003 et qui prendra le départ de la Mascareigne. Ne me demandez pas pourquoi, c'est Yannick Seri qui est en photo en une. Seul le quotidien le sait. Autre titre, festival Allons Enfants, le séchoir souffle le chaud. Grève dans les hôpitaux, 176 agents précaires intégrés cette année. Transport aérien, le palmarès des meilleures compagnies. Et puis mondial 2018 de football, Pogba donne la victoire aux Bleus hier face au Pays Basque en finale 1-0. Les vacances en une, journal de Lille. Et c'est en ce moment pour les scolaires, 35 activités pour vos vacances, titre Le Gire. Loisirs, sorties, spectacles, c'est le dossier du Gire aujourd'hui. Autre titre, santé, un réunionnais sur 10 souffre de dépression. Environnement, le tour de l'île des déchets, à Saint-Pierre, de l'amiante au tribunal. Et puis Patrick, premier abandon du Grand Raid. Patrick alias Michel Vergoz ne sera plus la voix du Grand Raid sur Radio Est, il prend sa retraite radiophonique. Les temps changent. Dans la presse nationale, Hillary Clinton et Donald Trump en une du journal Le Monde. Trump, la riposte et les coups bas. Donald Trump a menacé d'envoyer Hillary Clinton en prison s'il est élu. Il l'a accusé de couvrir son mari qui serait un prédateur sexuel. Autre titre, Syrie, la Russie seule contre tous, alors qu'à Paris ouvre la première salle de shoot. Et Trump et Clinton également en une du Figaro. Oui, la violence du débat Trump-Clinton hystérise la fin de la campagne, écrit le Figaro. Autre titre, Poutine à Paris, les hésitations de Hollande, le chef de l'État qui dénonce les crimes de guerre commis à Alep est embarrassé par la visite du président russe attendue le 19 octobre pour l'inauguration de la cathédrale orthodoxe de Paris. Vladimir Poutine justement, une de Libération. Vladimir Poutine, comment l'arrêter? Demande Libé, indifférent aux pressions et aux mises en garde diplomatiques. Il bombarde Alep massivement. Quelle menace agitée, demande encore Libé. Autre titre, 18 ans après, enfin, une salle de shoot, c'est à Paris. Et la France a gagné hier, c'est en une de l'équipe. L'équipe de France de football a battu les Pays-Bas 1-0, un but de Pogba, ce qui lui vaut d'être salué en une de l'équipe. Ça, c'est Pogba, s'exclame le journal. Pogba qui a été d'une simplicité exemplaire, nous dit l'équipe. Et qui a enfin fait un bon match avec une jolie frappe des 30 mètres. Oui, une jolie passe de Dimitri Payet. Oui, faut l'air pas de rien. Comme ça, et paf, but de Pogba. Passe décisive encore de notre Dimitri régional. Et paraît-il qu'il y a un petit pont paillette. Alors, c'est pas en face de Grand Étang. Il a fait un petit pont paillette qui était remarquable hier. Ah ben, il en fait beaucoup, hein. Surtout à West Ham. Il donne le tournis aux défenseurs anglais. Merci, Cécile. Grand matin, l'appel réveil. On va passer du football à l'ultra-trail. J-9. Avant le Grand Raid, avant cet événement que vous suivrez sur Rennes en première en radio, télévision et internet, un événement que l'on vit intensément comme tous les ans, 24e édition, et le Grand Raid ne serait pas le même sans notre consultant officiel, Jérôme Désiré. Salut Jérôme. Bonjour, bonjour à tous. Ça va Jérôme, la forme ? La forme olympique. T'es prêt ? Ah, on est prêt. J'espère que tes coureurs également le sont, parce que là, à 9 jours du premier grand coup de pétard, là, ça va aller fort. Alors, est-ce que tu peux nous donner les derniers bruits de couloir que tu as eu, toi, là, ces dernières heures, sur le Grand Raid? On se rend compte que maintenant, on parle beaucoup de la diagonale, on parle beaucoup du Grand Raid, mais c'est vrai qu'on aura vraiment de belles bagarres, de beaux duels à tous les étages, sur le trail de Bourbon déjà. On aura également sur la mascarène. Alors donc au niveau du trail de Bourbon, on a une belle bagarre. On aura entre donc Yannick Seri et bien sûr Jean-Pierre Grondin, mais également chez les féminines, on a Gilberte Libel, celle qui a remporté en 2015 donc le trail de Bourbon, mais une certaine Irina Malejonok qu'on ne connaît pas ici à La Réunion. Elle est actuellement c'est une Française. Ouais. Elle est actuellement en tête d'un challenge mené donc organisé par Antoine Guillon. Il y avait une très très belle bagarre entre ces deux filles déjà donc là sur la 6666 Occitane cette année, remportée par Gilberte. Donc là, l'acte 2 aujourd'hui dans sur le trail de Bourbon avec Irina et Gilberte, donc vraiment une belle bagarre en perspective. Et bien sûr à la mascarène, donc on a la présence confirmée du double vainqueur Jean-Eddy Lorette, bien sûr, avec notre ami triathlète donc Davidos qui va prendre le départ également, donc ça va être super sympa. Le Grand Raid, donc c'est bien 3 courses, on le dit, il y a la grande course, la diagonale des fous, et puis derrière le trail, le Bourbon et la mascarine. Jérôme, est-ce que tu as rencontré un peu les coureurs là, 9 jours, quelques coureurs, comment, dans quel état d'esprit ils sont et qu'est-ce qu'ils font là, 9 jours d'événement? Bah là j'ai rencontré encore dernièrement Alexandre Klein qui était le couple Klein exactement en train de faire du jus, comme on dit, ils sont tous en train de faire du jus bien entendu, et c'est important de faire du jus. Il y a malheureusement des erreurs qui sont commises, il y a des courses qui sont perdues à 9 jours de l'événement malheureusement. Pourquoi, parce comment que les gens tout simplement parce que les gens n'ont pas suffisamment confiance en eux et ils vont encore dans les sentiers, ils vont encore courir et ils vont encore chercher entre guillemets des potentielles blessures. Il faut arrêter complètement. Ouais. Enfin, il faut entretenir. Mm-hmm. Il faut aller trottiner. Il faut aller peut-être travailler un petit peu ses fractionnés, ses vitesses, mais pas trop. Il faut arrêter le dénivelé parce que là le dénivelé il va y en avoir, donc la montagne notamment. Et il fait vraiment il y a eu des grosses blessures. On s'en souvient que Marcel Puig était blessé 15 jours avant l'épreuve. C'est ça. Donc, et ça, quel dommage. Arriver avec un maximum de mais fraîcheur, penser à bien dormir, penser à bien manger, ça, bien s'hydrater, c'est hyper important. C'est important. Les siestes. Si vous ne faites pas de sieste, faire des siestes aussi. Le conseil de Jérôme, donc aujourd'hui, c'est de bien faire attention à 9 jours de l'événement pour pas rater cette course du Grand Raid. Hein. On parle à tous les coureurs amateurs aussi, hein, à toutes les familles qui nous écoutent, parce qu'elles seront nombreuses, ces familles qui viennent de toute la planète et bien sûr de La Réunion, de notre petite île. Jérôme, est-ce qu'il y a une date, parce que c'est la règle, une petite date là, dans le Grand Raid, dans l'histoire du Grand Raid dont tu veux parler ce matin. Moi, j'ai envie de parler de 2006. Vincent Delebarre. Vincent Delebarre, en 2006, on parle de récupération toujours. Vincent Delebarre qui remporte cette épreuve avec Jacques Rode et Vincent Delebarre qui, pour le coup, a fait une sieste. Imaginez-vous un futur vainqueur qui fait une sieste à Amdom Afat. Ça, c'est l'anecdote. Il a pris le temps de dormir, une micro-sieste qui a duré 10-15 minutes, mais pour revenir en boulet de canon sur la tête de course et finalement s'imposer avec Jacques Rode. Donc, comme quoi, la récupération et le repos fait partie aussi de la victoire finale. C'est la magie du Grand Raid. C'est encore possible aujourd'hui de gagner une course en faisant une sieste, Jérôme? Bien sûr, 24 heures pour le premier, les micro-siestes durent 10-15 minutes et elles sont vraiment elles sont là pour aider énormément les coureurs, donc pensez à récupérer pour aller chercher les victoires. Eh ben Jérôme, on vous laisse récupérer vous un maximum d'énergie pour être au rendez-vous donc dès la semaine prochaine avec cet événement à vivre en radio notamment, vous serez avec nous et puis bien sûr tous les soirs on continue de faire un point avec Valérie Filin dans le journal. Merci. Salut Jérôme. À bientôt. Bonne journée. Merci. Allez, à toi. L'Inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre, www.ismaelaboudou.com. Allez, on file sur les routes avec Jean-Claude Machir qui est à la rue de Tourette et ça bloque toujours sur le pont Vincennes, Jean-Claude. Oui, ça bloque toujours sur le pont Vincennes. Ça commence de la route du littoral avant les Potences en direction de Saint-Denis. Il en est de même si vous venez de Sainte-Marie pour aller en direction de ce pont Vincennes. C'est une situation très dense avec toute la voie de gauche en direction de ce pont Vincennes est complètement saturée. Le pont Vincennes, le boulevard U2 lui aussi. Alors, les grévistes ne bloquent pas la route. Hein. Donc, c'est l'entrée de l'hôpital qui est bloquée. Mais du fait que sur une centaine de voitures, il y en a 99, que ce soit dans le sens montant ou descendant, qui veulent entrer à l'hôpital, cela provoque donc ces grosses difficultés de circulation dans le secteur. Donc, évitez le secteur si vous avez la possibilité. Pensez à vous garer si vous devez aller à l'hôpital, si vous avez rendez-vous à partir un peu plus tôt. Et à vous garer du côté de la source. Il y a encore des places de parking de disponibles. Et allez à l'hôpital à pied pour éviter d'être en retard. En tout cas, grosse difficulté de circulation dans le secteur. Et avec le pont de la rivière, avec le pont de la délivrance qui est aussi fermé, on connaît ainsi quelques difficultés de circulation au niveau de la redoute. Prudence et bonne route à vous. L'Inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre, www.ismaelaboudou.com. Et dans toute la Réunion et sur Première, il est 7h. Un point sur l'actualité de ce mardi 11 octobre avec Stéphane Enilorac. Bonjour Stéphane. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. 176 agents précaires titularisés avant la fin de l'année. La grève dans les hôpitaux hier a certes porté ses fruits, mais le mouvement se poursuit, vous venez de l'entendre, avec déjà de nouveaux barrages filtrants mis en place ce matin à Belpierre. L'intersyndicale demande un plan d'action et s'inquiète également du déficit de 20 millions d'euros creusé depuis la fusion il y a 5 ans des antennes nord et sud du CHU. Besoin d'une médiation pénale ou d'un conseil juridique, des spécialistes vous accueillent dans le nouveau point d'accès au droit inauguré hier au port. C'est anonyme et c'est gratuit. Ça y est, la Chambre d'agriculture a enfin adopté son budget 2016 et son plan de développement à l'horizon 2018. Le développement numérique, justement, c'était le but d'une formation dispensée hier à Saint-Pierre. À 7h15, Philippe Dornier reçoit Jean-Thierry Chéroux, enfant de la Creuse, alors que se réunit aujourd'hui et pour la première fois dans l'île, une commission d'experts censée apporter des explications sur cet exil forcé. Comme hier, donc, des difficultés pour circuler ce matin dans le secteur de Belpierre à Saint-Denis. La grève des agents hospitaliers démarrée vendredi au CHU se poursuit. Ils dénoncent notamment le non-remplacement depuis près d'un an des arrêts maternité et maladie ainsi que des départs en retraite. Une situation qui engendre une surcharge de travail pour le personnel en fonction. L'intersyndicale FO, CFTC, UNSA, CGTR et Sud a également manifesté pour qu'une partie du personnel contractuel soit titularisé. Sur cette revendication, les syndicats ont été entendus par l'Agence régionale de santé. Hier après-midi, une délégation d'une vingtaine de membres du personnel a été reçue par François Maury, le directeur de l'ARS. Retour sur cette rencontre avec Christelle Floricourt. 176 agents contractuels du CHU devraient obtenir leur titularisation avant la fin de cette année. L'Agence régionale de santé a donné son accord. Une première avancée pour l'intersyndicale, car ces personnels devaient déjà voir leur situation régularisée depuis l'année dernière au moins, leur embauche étant prévue dans le projet social 2011-2015. Mais la grève n'est pas terminée. Prochaine étape, une nouvelle rencontre avec le directeur du CHU, Jean-Yves Waro, président de la CFTC. Qu'il confirme et qu'il nous donne aussi le plan d'action et le calendrier donc pour mettre en place ces 176 stagiarisations donc avant le 31 décembre. C'est notre priorité aujourd'hui. En revanche, concernant le déficit de 20 millions d'euros creusé depuis la fusion des antennes Nord et Sud, l'ARS ne s'est pas prononcée sur un accompagnement financier. Patrick Vaillabouri du syndicat Force Ouvrière. En 2012, nous étions à l'équilibre. On nous a demandé de créer un CHU. Aujourd'hui, on nous dit nous sommes à 20 millions de déficit. Nous avons la preuve que ce n'est pas la faute du personnel. Nous demandons à la tutelle, au ministre, de combler le déficit. Les discussions sur le nouveau projet social 2016-2018, elles n'ont toujours pas débuté. Le combat syndical n'est donc pas terminé. Christelle Floricourt et les représentants syndicaux ont pu également discuter hier soir avec Lionel Calange, le directeur du CHU. Une deuxième rencontre doit avoir lieu aujourd'hui. Il s'agit d'établir un calendrier de titularisation pour les 176 agents en situation précaire. Il n'y a pas d'âge pour créer sa boîte, c'est le message que lance depuis hier l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique. La structure organise pour la troisième année une campagne d'information destinée aux jeunes et aux seniors. Une campagne organisée en partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations, l'État, la région Réunion ou encore Pôle emploi. L'ADI, on vous le rappelle, est une association reconnue d'utilité publique. En 2015, elle a financé plus de 1200 personnes, dont 454 jeunes, et a ainsi permis la création ou la consolidation de 23 emplois par semaine. À 60 ans, David Desflore, apicultrice à Bourg-Cognotte, elle vient tout juste d'ouvrir sa petite entreprise. Elle affirme que sans l'aide de l'ADI, son projet n'aurait jamais pu voir le jour. C'est eux qui ont tout financé en fait. Financé, accompagné, aidé et donné confiance en fait sur le projet et donné encore des idées pour plus tard. Par exemple, moi je cherche des endroits où exposer mes produits, faire connaître. Bon, ben, ils vont m'aider sur les expositions puisque bon, on n'a pas de boutique, on n'a pas tout ça. Et là, ils vous ont aidé à hauteur de combien ? 10 000 euros. Que vous avez investi dans quoi ? Alors, c'était les ruches, ça a été une salle pour faire la maison de l'abeille, la maison du miel et ce produit qui est un produit à base de produits du pays, c'est-à-dire la curcumine, le miel de chez nous, trois miels mélangés, et soit de la crème de coco, des huiles de chez nous et tout. Il y a des petits secrets, donc j'ai le brevet. Davy Desflore, jeune chef d'entreprise interrogé par Mélodie Nourry. Et jusqu'à vendredi, l'ADI vous propose des sessions d'information collective. Pour en savoir plus, rendez-vous après le journal de midi sur Réunion Première Radio. Le micro crédit et l'ADI, ce sera le thème de C'est dans l'actu. Un point d'accès au droit inauguré au port, 37 avenue Raymond Vergès. Inauguration faite hier matin en présence des professionnels de la justice, huissiers, avocats, notaires et procureurs. Ce lieu accueillera de manière gratuite et anonyme tous les citoyens qui rencontrent un problème juridique ou administratif. À La Réunion, on compte 31 structures de justice de proximité, dont 9 points d'accès au droit. Le dernier né a été installé symboliquement à la place de l'ancienne maison de justice et du droit qui avait été incendiée lors des dernières émeutes de 2012 au port. Claude Casal est le coordonnateur départemental des points d'accès au droit et antenne de justice de La Réunion. Au regard du droit, il n'y a pas de riche, pas de pauvre. Chacun a les mêmes droits et les mêmes obligations, mais chacun a les mêmes droits. Et si certains, parce qu'ils ouais, n'ont pas de travail, pas de fortune, pas de famille, pas de relation, pensent qu'ils n'existent pas, c'est faux. Ces structures-là sont d'abord destinées à ces personnes-là. Déjà, on les rassure. On leur dit qu'elles ne sont pas perdues finalement face à une administration ou face à la justice ou face à la police ou à la gendarmerie. Elles ont des droits et on leur explique comment se déroule alors, ou un procès civil ou un procès pénal s'il y a besoin de passer par la justice. Et si c'est en amont de la saisie d'un tribunal, on leur apportera toutes les informations. Dans une société démocratique comme la nôtre, chacun a des droits et le fait d'être pauvre ne veut pas dire que vous n'en avez pas. Et c'était donc, vous l'avez compris, le procureur de La Réunion, Éric Tufry, au micro de Delphine Poudroux. C'est le prochain point d'accès au droit. Elle sera inaugurée à Saint-Louis. Après l'annulation de la séance le 3 octobre dernier pour cause de quorum non atteint, la Chambre d'agriculture a pu tenir sa session plénière hier après-midi. Une assemblée générale qui a permis l'adoption du budget 2016. Une session au cours de laquelle a également été adopté le contrat d'objectifs et de performance. Il s'agit du plan de développement de l'agriculture réunionnaise jusqu'à 2018. Un développement qui devrait passer par le numérique. À Saint-Pierre, 8 agriculteurs ont suivi une formation de 60 heures pour apprendre à créer un site web. La Chambre d'agriculture a proposé ce stage aux exploitants agricoles afin qu'ils soient plus visibles et plus connus. Une formation dispensée par Alternative Conseil, dirigée par David Payette. C'est un souhait de leur part de communiquer et d'être visible pour un maximum de personnes. Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour ces agriculteurs qui souvent ne maîtrisent pas l'outil informatique ? Je dirais dans les prérequis par rapport à cette formation, on avait demandé quand même qu'il y ait une connaissance de l'outil informatique. Et après, au cours de la formation, donc c'était vraiment une formation individualisée. Donc on les a accompagnés en fonction de leurs difficultés pour qu'ils arrivent au bout à la création du site. Ça veut dire que les 8 agriculteurs qui ont suivi cette formation ont aujourd'hui créé leur site ? Tout à fait. Ils repartent aujourd'hui avec leur site, mise en ligne. Un reportage signé Suzette Emma. Allez, on va maintenant passer à l'actualité en France et dans le monde avec Alexandra Dubouchoron de France Info. Huit jours après le non à l'accord de paix avec les FARC en Colombie, la deuxième plus grande guérilla du pays, l'ELN, Armée de Libération Nationale, annonce le début de négociations de paix avec le gouvernement le 27 octobre prochain à Quito, en Équateur. Le mouvement compte 1500 combattants contre 5700 pour les FARC. Deux avions français arrivent en Haïti aujourd'hui, une semaine après le passage de l'ouragan Matthew qui a fait un millier de morts. Le premier avion décolle de l'aéroport de Paris-Vatry avec 68 tonnes de matériel, notamment pour purifier l'eau. L'autre part de Lyon avec les 28 derniers sapeurs-sauveteurs de la sécurité civile envoyés par la France. Un projet énergétique majeur, Moscou et Ankara ont signé hier un accord pour la réalisation du gazoduc Turk Stream qui acheminera du gaz russe à l'Europe par la Turquie en contournant l'Ukraine. La construction devrait se terminer d'ici 2019. Le sud-coréen Samsung conseille aux utilisateurs du Galaxy Note 7 d'éteindre leur téléphone immédiatement. Après les incidents sur les premiers modèles, les batteries prenaient feu. Il semble que même les nouveaux modèles présentent des risques. Les ventes et les échanges sont suspendus. Le numéro 1 mondial des fabricants de smartphones promet une enquête approfondie. En France, la police lance un appel à témoins après l'agression au cocktail Molotov de policiers à Viry-Châtillon dans l'Essonne. Le pronostic vital de l'un des agents est toujours engagé. En soutien à son collègue, à leurs collègues et pour réclamer plus de moyens et de fermeté, les policiers du département sont appelés à une grève du zèle et à des rassemblements ce mardi devant les commissariats. Sur le terrain politique, l'opposition s'est emparée du dossier, s'indignant des propos jugés trop laxistes de Bernard Cazeneuve, qui a qualifié les agresseurs de sauvageons. Le parti Les Républicains réclame la démission du ministre de l'Intérieur. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, inaugure ce matin la première salle de shoot en France, dans le 10e arrondissement de Paris. La salle ouvrira vendredi. La France est le 10e pays au monde à expérimenter cet espace réservé aux toxicomanes. Un lycéen de 16 ans en garde à vue à Reims au lendemain de l'agression d'un élève de 17 ans dans son établissement, le lycée Franklin Roosevelt. Sérieusement touché à l'abdomen, la victime est hospitalisée et une cellule psychologique a été ouverte pour les autres élèves. L'agresseur, lui, s'est rendu à la police quelques heures plus tard. Il reste désormais 7 romans français en lice pour le prix Médicis. Le jury s'est réuni hier soir pour faire sa deuxième sélection. Il a notamment retenu Tropique de la violence de Natacha Apana, en lice également pour le Fémina. Exit en revanche, Petit pays du primo-romancier Gaël Faye, retenu par la plupart des autres jurys des Grands Prix littéraires d'automne, remise du prix Médicis le 2 novembre. En football, le héros de la soirée, c'est Paul Pogba. Le milieu de terrain a marqué le but de l'équipe de France hier soir à Amsterdam lors de la troisième journée des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Victoire 1-0 donc contre les Pays-Bas et la France prend la tête du groupe A à égalité avec la Suède. Et aujourd'hui encore une très belle journée à venir sur La Réunion. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Et si vous êtes en vacances, vous pourrez aller aussi bien en randonnée que sur la plage, puisque le temps il sera au beau fixe, hein, avec beaucoup d'éclaircies sur l'ensemble du département. Quelques nuages sur la couronne nuageuse, donc sur les mi-pentes notamment, hein, cet après-midi. Cette couronne qui va avoir tendance à s'étaler parfois sur le littoral, mais globalement l'impression de beau temps dominera, ainsi que dans les cirques d'ailleurs. Les cirques seront préservés par les nuages, les plus gros nuages en tout cas, des belles éclaircies persisteront une bonne partie de la journée. Du vent sur le nord-ouest et le sud-est entre Saint-Philippe et la région de Saint-Pierre, hein. Donc là on aura un peu de vent aujourd'hui, 40-50 km/h, avec des températures qui vont monter jusqu'à 28 degrés sur la côte, notamment du côté de Saint-Gilles. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Jean-Claude est au Moufia à 7h12. L'inforoute vous est offerte par Qtech, machine à boire Réunion. Et Jean-Claude Machir, est-ce qu'on a toujours ces deux points de ralentissement à l'ouest à Saint-Paul et à Saint-Denis sur le pont Vinsal? Alors ça s'est amélioré du côté de Saint-Paul. Nous sommes juste à la hauteur de Belmaine en direction du port, donc une nette amélioration. Ce sont malgré tout les vacances. Dans l'est, ça reste assez fluide. On a juste un ralentissement maintenant qui se situe à l'entrée de Saint-Denis au niveau du littoral, puisque nous sommes à la Grande Chaloupe pour venir sur Saint-Denis. Grosse difficulté sur le pont Vinsal en direction de Belle-Pierre. Donc beaucoup de monde dans la descente ainsi bien que dans la montée, comme je vous le disais tout à l'heure. Grosse difficulté de circulation aussi sur ce boulevard sud pour aller vers l'hôpital de Belle-Pierre sur la voie de gauche. Préférez plutôt le front de mer qui ce matin est encore roulant. On a un léger ralentissement au niveau du pont Pasteur, mais vous perdrez moins de temps si vous restez sur le TCSP, sur le boulevard. Saint-Pierre, la circulation y est beaucoup plus fluide qu'à la hauteur de Belpierre. Dans l'Est, là aussi, ça s'est amélioré. Giratoire de la Pelle et de Bracanote, pas trop de difficultés. Ça roule en centre-ville de Saint-Benoît ainsi qu'en centre-ville de Saint-André. Et sur la route de Sillaos, pour venir de Saint-Louis par la route principale, là aussi, eh bien, on connaît une amélioration ce matin. Pas très long. Par contre, attendez-vous à de gros ralentissements du côté de la fête au tampon au niveau du centre-ville. Pas oublié. Giratoire des Azalées. Bonne route à vous. Et qui manque les florilèges. On fera des points hein, sur le trafic autour des florilèges toute la journée sur Première. L'inforoute vous a été offerte par QTEC, machine à boire et Union. Allez, pour ceux qui les ont ratés tout à l'heure, les pronostics du Fouineur du GIR. Tiens, c'est Quartier Quintet Plus qui va se jouer à Saint-Cloud aujourd'hui, le prix de Saint-Père-du-Mont. Le Fouineur vous conseille de jouer le 8 Tisvi, le 5 Orpheas, le 3 Isaac, le 2 Indécence Choisie, l'As Instant de Rêve, le 13 Modigliano, le 15 Fleur d'Ipanema et le 9 Donuts Rayor. Des pronostics à retrouver dans le GIR du jour. Le Fouineur, c'est tous les jours, hein, à 5h15 et 7h15 hein, forcément pour les pronostics du tiercé quartier Quintet Plus. Dans un instant, à suivre l'invité de Grand Matin, ça sera Jean-Thierry Chéroux, réunionnais de la Creuse, qui fait son retour pour la première fois à La Réunion. Une belle expérience qui vous sera présentée par Philippe Dornier. Le Grand Raid 2016, c'est sur Réunion Première. Du 20 au 23 octobre, vivez les trois courses, la Diagonale des Fous, voilà qui s'élance, le Trail de Bourbon et la Mascareigne. Réunion Première au cœur du Grand Raid, avec des correspondants au plus près des coureurs, des invités, des consultants et des spécialistes en direct tout au long de l'événement. Par rapport à sa préparation, par rapport à la nature. Analyse, classement, résultats, interview. Le Grand Raid 2016, c'est sur Réunion Première. Suivez le Grand Raid avec Canal Grand Raid. Partagez la passion des coureurs avec Dynamalt, boisson énergétique officielle du Grand Raid. Suivez tous les exploits du Grand Raid avec les SUV Peugeot, partenaire officiel. Zatien, devinez. Qu'est-ce que les gratuites? Les zones 5 à couverte VA et Asperazone dans votre pharmacie, il ne peut pas s'en passer, c'est tant tellement les Gaïa pour la sécurité de toutes. Alors, qu'est-ce qu'il est? Ben oui, si le petit bac ou ancien pour traiter tout ça qui pique, aiguilles, seringues, sang lancette, ça pour contrôle diabète là. Si vous faites votre soin ou tout seul et si vous voulez connaître un peu plus comment prothèse à ou sans votre famille, viens voir sidastri.fr. D-A-S-T-R-I, Dastri, ou en sieve, ou tri et ni ramasse. À pied, à vélo, sur l'eau, participez au week-end nature du 1er au 30 octobre. Découvrez des trésors de biodiversité dans nos espaces naturels sensibles. Plongez dans les forêts primaires, explorez des sites exceptionnels et des paysages à vous couper le souffle. Visites guidées et ateliers gratuits tous les week-ends du mois d'octobre et pendant les vacances scolaires. Retrouvez le programme sur www.cg974.fr et réservez dès maintenant au 0262 97 59 59. Avec le département, préservons notre environnement. La région Réunion lance le POP nouvelle génération. Let's go! Le POP 2. POP 2. Et en seconde ou apprenti, dès le mois d'octobre, ton bon POP est disponible pour l'achat de ton ordinateur portable. Tu peux aussi bénéficier d'une connexion Internet. POP 2. Sous condition de ressources. Comment obtenir ton bon POP 2? Retrouve toutes les infos et les critères d'éligibilité à la connexion Internet sur le www.régionreunion.com. Yeah. 7h17, c'est l'invité de Grand Matin avec Philippe Dornier. Bonjour Philippe. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Et vous recevez ce matin un invité avec une histoire lourde. Je disais tout à l'heure, belle expérience aujourd'hui avec son retour à La Réunion, mais elle l'était moins hier. Hein. C'est Jean-Thierry Chéroux, réunionnais de la Creuse. Jean-Thierry Chéroux, bonjour. Bonjour. Alors on dit réunionnais de la Creuse, en fait c'est dans le Gers que vous avez grandi, dans le sud-ouest de la France, et vous revenez à La Réunion pour la toute première fois. Quel a été le moment le plus fort depuis votre arrivée samedi? Le moment le plus fort, ça a été la sortie de l'aéroport, quand j'ai vu la montagne qui se dressait devant moi. Là, il y a une grosse émotion qui est montée là. Des images que vous aviez déjà en tête? Je les avais pas spécialement en tête, ces images, disons que pas consciemment. Inconsciemment, certainement, mais consciemment, je ne savais pas. C'était une découverte et une osmose entre l'émotion et la vision que j'ai eue. Vous avez, vous êtes venu pour rechercher des membres de votre famille. Vous en avez déjà trouvé? Oui, j'en ai trouvé. Les membres de la famille m'ont appelé suite à un appel que j'avais fait. Et une des cousines qui est la nièce de ma mère naturelle de la Réunion nous a rappelé quelques minutes après l'appel et s'est présentée. Elle a laissé ses coordonnées et c'est moi qui l'ai rappelée ensuite. Là, il y a eu un échange entre nous qui était, j'ai senti quand même quelque chose, pareil, une émotion qui montait en moi. Ça change la donne? D'avoir des vrais gens au téléphone alors que c'est totalement abstrait jusque-là. Tout à fait, c'est ça. C'est le fond de la question. C'est que jusqu'ici, pour moi, la famille que j'avais à La Réunion, elle était abstraite, quoi. Disons, je l'avais jamais vue, connue dans mon enfance, ma toute petite enfance, ma première enfance, mais il n'était rien resté de souvenir, pas grand-chose, quoi. Et le fait d'avoir quelqu'un en ligne, quelque chose qui était enfoui. Alors, il y a des rencontres qui sont prévues dans les prochains jours, prochaines heures? Tout à fait. Il y a une rencontre qui est prévue avec cette personne. Donc, c'est une cousine, en fait. C'est une cousine, voilà. C'est la nièce de ma mère naturelle. Une rencontre qui est prévue cet après-midi. Tout dépend de l'heure à laquelle la conférence du comité d'experts va finir. Oui, on parlera de la commission nationale tout à l'heure, voilà, qui se réunira à 11h. Il y a une appréhension avant cette rencontre. Comment vous le vivez? Pas du tout, pas d'appréhension. L'appréhension est finie par rapport à cette attitude envers mon passé. Là, ce que j'accueille tout ce qui vient, tout ce qui m'arrive. Je me sens calme, je me sens plus apte à entrevoir cela avec plus de sérénité. Vous avez 56 ans, Jean-Thierry. Ça fait donc 50 ans que vous avez été arraché à votre île natale. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour y revenir? Attendre aussi longtemps, c'est la grosse question que l'on me pose souvent. Jusqu'ici, la question de mon enfance à La Réunion était il y avait une certaine souffrance. Et puis, je voulais m'intégrer au mieux dans la société en métropole, trouver un travail, me stabiliser, avoir une famille. C'était mon programme personnel. Et La Réunion, c'était quelque chose que je voulais auquel je voulais apporter des réponses en moi-même avant de revenir sur l'île. Vous aviez peur que ce passé parasite un peu votre intégration en métropole? Disons que je n'étais pas prêt à affronter cette expérience, quoi, disons. La souffrance que j'avais de l'enfance qui reste quelque chose de terrible pour tout enfant de la Creuse, quoi, disons. J'en connais qui le vivent beaucoup plus différemment de moi, mais on sent qu'elle y est. Cette souffrance, elle a besoin d'être intégrée, d'être vécue au fond, d'y apporter des réponses faire sa vie. Le fait de venir à La Réunion, pour moi, ça me permet de compléter mon passé, d'être un homme complet. J'étais un homme sans passé, quoi, en fait. Et ce retour, donc, si j'entends bien, il est constructif. Je veux dire, ça vous apporte quelque chose de positif, parce que ça pourrait aussi réveiller de mauvais souvenirs plus qu'autre chose. Oui, tout à fait. Ce retour est constructif. Il réveille certains mauvais souvenirs, mais on peut pas y échapper. Les souvenirs de l'enfance, de l'orphelinat où j'étais chez les religieux, où on s'y est rendu avec mon compatriote qui est venu avec moi hier, ça réveille bien sûr des souvenirs. Mais en même temps, ces souvenirs nous permettent d'affronter la réalité, de plus vivre dans un fantasme de réunion. On s'imagine, à partir de cette enfance, on s'imagine une réunion idyllique. Mais il faut faire la part de la réalité. Et le fait de revenir sur la trace de cette enfance, la trace de ses pas, ça nous permet de recoller à la réalité et de refaire le point en nous. Vous vous sentez davantage réunionnais aujourd'hui, parce que c'est pas forcément un sentiment que vous développiez jusqu'à la semaine dernière, jusqu'au départ? Je me suis toujours senti réunionnais. Mais plus aujourd'hui ou pas? Différemment. pas plus, mais différemment, quoi, disons. Je peux mettre, le fait de ce retour me permet de mettre des images, des sensations, des goûts, des couleurs, réelles sur l'image fantasmée que j'avais de la Réunion. Mais le Réunionnais que j'étais, il reste le même. Alors cette histoire des Réunionnais de la Creuse, elle n'est pas très connue en métropole, et c'est pour informer les gens qu'une commission nationale a été mise en place, des experts qui vont se réunir ce matin à la préfecture, vous y faisiez allusion tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en attendez de cette commission ? Ce que l'on attend de cette commission, nous, en tant que Réunionnais de la Creuse, c'est déjà une réparation historique de cette histoire. Faire en sorte qu'elle soit inscrite dans l'histoire, elle fait partie de notre histoire. Pour tout Réunionnais, nous sommes représentatifs d'une certaine situation à une époque qui a été donnée, mais elle fait partie de l'histoire de l'île, de notre identité de Réunionnais. Nous attendons également une réparation symbolique, financière également, beaucoup on en a parlé, peut-être pas des milliards, mais au moins ce qui nous avait été promis au départ, les allers-retours qui avaient été dit que les petits Réunionnais qui partaient devaient revenir sur l'île en vacances et tout, au moins ces billets de retour. Également une reconnaissance, disons, dans cette souffrance que l'on a vécue, quoi, disons. Ça nous permet, ne plus vivre cette histoire en tant que victime, mais la vivre en tant qu'acteur de sa vie. Vous dites que cette histoire fait partie de l'histoire des Réunionnais. Est-ce qu'elle ne fait pas partie de l'histoire de France ? Tout à fait. La Réunion fait partie de la France. Elle fait partie de l'histoire de la Réunion, parce que c'est la Réunion où cette histoire s'est passée, c'est le lieu. Mais la Réunion fait partie de la France, ça fait partie de l'histoire de France. Et pour moi, les manuels scolaires doivent porter les traces de cette histoire. Et c'est le cas aujourd'hui ? Je n'ai pas consulté les manuels scolaires jusqu'ici, alors je ne veux pas vous dire. Vous aimeriez que ce soit le cas ? J'aimerais que ce soit le cas, oui. Il y a encore des anciens orphelins comme vous qui n'osent pas témoigner, comme vous avez le courage pour le coup de le faire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous leur dites ? Moi, je leur dis s'ils sont sur l'île, de venir à la conférence qui va y avoir le jeudi de 14 à 16 heures. J'ai noté l'adresse au Centre culturel de Saint-Denis, rue Sainte-Marie. Et devenir, de toute façon, au-delà de leur souffrance, faire partager leur expérience, faire en sorte que qu'ils viennent. La commission pourra développer des propositions si elle connaît les désirs et les souhaits de chacun. Et c'est aussi une histoire intime, certains n'osent pas la révéler, il y a parfois des histoires de violence, vous en avez subi vous-même avec votre père adoptif qui était pourtant enseignant. Qu'est-ce que, à ce niveau-là, comment on peut briser le silence ? Il faut avoir le courage de briser le silence. Ça demande du courage, c'est vrai, ne pas s'enfermer dans son monde intérieur. On en recueille les fruits après ? Oui, tout à fait. On en recueille les fruits par le fait qu'on s'en libère déjà de cette impression, de cette sensation de souffrance. Le fait de partager, c'est important. Jean-Thierry Chéroux, bon retour sur vos terres. Et merci d'être venu au micro de Réunion Première ce matin. Bonne journée. Merci beaucoup. Et ce témoignage empreint d'émotion, vous le retrouverez à 13h30 dans Tous en Première avec Ingrid. Jean-Thierry Chéroux, réunionnais de la Creuse, était l'invité de Philippe Dornier ce matin. Première. 7h27, en toute la Réunion. Bon réveil. Excellente journée avec nous. Dans 3 minutes, c'est Cécile Thomas qui s'installe à côté de moi pour l'actualité de ce mardi 11 octobre. D'ici là, Féfé, dans ma rue. Bonne journée à tous. Loin du bonheur et des îles, où la misère prend ses aises, près du haut loulou pressé, se console avec des cils. Plus de chemin, plus de repères que des raccourcis. Pour la plupart, piégés. Quand se nourrir est un film, nourrir les tiens ton rôle, la rue te donne quelques scènes tirées de mauvais scénarios. Pour un coup elle peut te fournir tous les plans possibles, mais pour demain qui sait. Je veux du soleil, je veux du soleil du pays, je veux de soleil sur le bitume tant chéri. Rien de neuf dans ma rue, juste qu'une allée d'aller à pas d'avenir. Qu'est-ce qu'elle y connaît? Rien de neuf dans ma rue, juste une allée d'aller à pas d'avenir. Qu'est-ce qu'elle y connaît? Qu'est-ce qu'elle y connaît?

Bon, comme il dit, il faut pas boire trop couillon, donc. Donc Bernard Moutouvirin, planteur, maraîcher et depuis quelque temps giteur à Guillaume-Saint-Paul, a décidé de créer son propre site. Objectif, se faire connaître, être visible. Dès qu'on dit les gens comme ça que voilà, on a des chambres d'hôtes, ils disent comme ça, est-ce qu'on est né un site? Parce que comme toute personne, tu veux voir des photos, veux voir un petit peu aussi si tu es autres. Donc quand on la propose à moi, cette formation m'a dit mieux faire. Une fois que les gens connaissent un petit peu le produit, à travers toutes ces photos, les commentaires, etc., l'image avant de venir. Les 8 agriculteurs ont bénéficié de l'accompagnement d'un webmaster, web designer. Ils ont surtout appris à mieux communiquer sur leurs produits, à faire évoluer leur site. Parce qu'une fois le site créé, maintenant on va pouvoir nourrir parce qu'on a les outils qui vont avec. À chaque fois qu'on va changer des photos, on va faire de nouvelles photos, on va pouvoir mettre ça sur notre site. Le but c'est quand même de vendre. Même objectif pour Katiusia Payette qui exploite une bananeraie bio au Colimaçon à Saint-Leu, obligée, dit-elle, de suivre la vague. Maintenant, les gens, ils sont plutôt sur Internet. Ils n'ont pas toujours le temps de, malheureusement et heureusement, je ne sais pas. Moi, je fais aussi le marché forain de Saint-Leu tous les samedis matins, mais je ne touche pas tous ceux qui ne viennent pas au marché. Voilà, donc, c'est un autre moyen pour moi de toucher cette autre clientèle. Des agriculteurs à la page et aujourd'hui en ligne. Suzette, Emma, avant de refermer ce journal, retour sur la visite du président des Comores en France. La semaine dernière, Azali Assoumani a été reçu par François Hollande à l'Élysée. Les deux chefs d'État ont convenu de mettre en place un comité paritaire pour trouver un accord sur le statut de Mayotte. Mayotte est au cœur d'un contentieux qui empoisonne les relations franco-comoriennes depuis 41 ans. Il n'y a pas d'immigration illégale entre les Comores et Mayotte puisqu'il s'agit de libre circulation à l'intérieur d'un même pays. C'est la position du président comorien alors que de son côté, François Hollande souhaite renforcer la lutte contre l'immigration illégale. Pour Azali Assoumani, le sujet est sensible même lorsque l'on considère que Mayotte est comorienne. Dans cette question, il y a une question d'esprit et de l'être. L'esprit, c'est migration clandestine, je refuse. Parce que pour moi, c'est la circulation des personnes à l'intérieur de leur pays. Nous, on est insulaire. Ça aurait été un pays continent. Je ne pense pas que quelqu'un qui passe de Marseille pour venir à Paris, on dit immigration. Par contre, maintenant, la lettre. On ne peut pas être insensible à des gens qui prennent des risques à leur vie. Donc là, on a le droit, même le devoir d'empêcher ça. Parce que c'est vrai, Mayotte, chez nous, mais en Niala, vous prenez des risques. Donc c'est à nous de trouver les moyens de convaincre ces Comoriens. Ça veut dire les motifs qui les amènent à Mayotte. Comment on peut faire en sorte de réduire un peu ces motifs-là? Ça, ce que j'appelle la lettre. Maintenant, l'esprit, personne ne peut empêcher à quelqu'un d'aller voir sa famille. Il n'y a aucun Comorien qui puisse accepter qu'aujourd'hui, nous avons un seul pays lié par le sang, la religion et tout nous lie. Donc aujourd'hui, il y a un visa qui empêche d'aller dans une île. Ça, c'est inacceptable, c'est incompréhensible. Azali Assoumani, le président des Comores, interrogé par Laura Martel de Radio France Internationale. Erika Baredj, en visite officielle à Mayotte, il y a quelques semaines, avait présenté le plan de la France pour lutter contre l'immigration clandestine. Ça s'annonce difficile. Oui, une affaire à suivre. Merci Cécile et bonne journée. À demain. C'est plus clair dans le ciel réunionnais aujourd'hui. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Avec du soleil qui hybride mille feux un peu partout, même dans les embouteillages importants de la route du littoral, on va en parler dans quelques secondes. Soleil donc pour tout le monde, nuages qui vont s'imposer la mi-journée à mi-pente sur les hauteurs de l'île, mais les plus hauts sommets, les cirques resteront dégagés. Puis sur le littoral, on aura encore de très belles éclaircies. Ça c'est la bonne nouvelle, les températures qui iront jusqu'à 28 degrés à Saint-Gilles. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Et c'est la galère sur la route du littoral, notamment Céline qui nous a envoyé un message. Bon courage à tous les gens dans la galère comme moi. Depuis l'entrée de la possession, la route du littoral est bouchée. Ça fait 12,5 km de bouchons. L'inforoute vous est offerte par Qtech, machine à boire Réunion. Et bien sûr, on s'excuse hein, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Les ralentissements sont plus que nombreux. C'est un bouchon carrément qui s'est formé, Jean-Claude Machir. Oui, en fait, on va dire que c'est un embouteillage, ce qui est normal. C'est un peu étonnant parce que c'est les vacances. Ouais. Nous sommes mardi et vous avez quand même ce ralentissement depuis la possession. Après, ça se résorbe. Puisqu'on a les zones roulantes qui sont comprises entre la pointe de Gouffre et Saint-Denis, vous avez une petite zone roulante juste à 800 mètres avant la grande chaloupe. Après, ce sont soit un automobiliste qui roule à 40 km/h et qui est sur la voie de gauche et qui en... Ah, on vous entend plus, Jean-Claude Machère, mais en tout cas. Bien méchant, rassurez-vous. Voilà, vous êtes de retour. Et la jonction, donc, j'espère, ne va pas être faite avec Belpierre. Le pont Vincennes est toujours saturé. Il y a toujours cette difficulté de circulation pour arriver du côté de Belpierre. Donc, je vous conseille vivement de vous garer du côté de la source ou de rester sur le front de mer de Saint-Denis et de venir à pied du côté de l'hôpital parce que la circulation y est très difficile dans ce secteur au niveau de l'hôpital des... Voilà, en direction de la roue RD41, là, si ça coince, vous êtes tout aussi nombreux à l'entrée ouest. C'est un ralentissement qui se situe uniquement au niveau de la caserne Lambert en direction du front de mer. Et en provenant de l'est, bien, on a un ralentissement de Pont-Pasteur vers le barrage. Alors, patience, prudence et bonne route à vous. Il va en falloir beaucoup aujourd'hui. Merci, ouais. Jean-Claude. L'inforoute vous a été offerte par QTEC. Machine à boire Réunion. 5h, 8h, grand matin avec Mickaël Laurette sur Réunion Première. Allez, pendant que vous êtes dans les bouchons, je vais essayer de vous redonner le sourire. J'ai deux places de cinéma à vous offrir avant 8h pour Kubo et l'armée en magique, le dernier film d'animation produit par les studios Laika, des studios qui commencent à s'imposer dans l'univers du film d'animation. Et pour voir cette belle histoire de Kubo avec les marmailles, bah c'est très simple, vous envoyez vos messages au 06 92 70 2000, même principe que tous les jours, Miam Grand Matin avec votre prénom, et ensuite on fera un tirage au sort parmi tous vos messages au 06 92 70 2000. Vous avez un deuxième moyen de gagner vos places de cinéma ce matin, c'est de liker la page Facebook, la page Grand Matin, et parmi tous les likes, là aussi on fera un petit tirage au sort, et tous ceux qui auront participé, eh bien vendredi, vous pourrez repartir avec votre croisière VIP avec Frédéric Joron qui vous jouera ses plus belles partitions sur le bateau, le Grand Bleu. Ça, c'est peut-être pour vous et la personne de votre choix, à condition d'envoyer un petit message ou tout simplement de liker la page fan. Il y a quand même beaucoup plus compliqué, les amis. Hein. Bon, avant 8h, ça sera le zapping de Réunion Première et la langue y maille, marmaille, la langue y maille vraiment. C'est ce qui s'est passé ces dernières 24 heures sur votre radio. Tout ça, ça sera dans le zapping. D'ici là, James, on vous donne la force malgré les bouchons ce matin. Bienvenue, mon réveil à tous. Parce que c'est libre, même là. Pas mal tombé, tous les amis les mis m'en a dit la force pour lever, pour moi lutter, quand pour moi les paroles. Et la lit, laisse pas mal tomber, la lit même mon protection, frère, lui même chemin, la lumière, lui même me guide à moi qu'on a l'orage, qu'on est dans éclairs. Lui aide à moi, à détecter le bon faux frère, évite toute sacrée la mauvaise guerre, mon dame et la direction. Pour éviter toute bonne faute, la vie, mais m'en a dit protection. Pour moi et mon famille, tout le sommet l'aime et m'en a dit la force pour l'été, pour moi lutter, quand pour moi les paroles. Bien là, il laisse pas moi tomber. Tout le sommet l'aime et m'en a dit la force pour l'été, pour moi lutter, quand pour moi les paroles. Bien là, il laisse pas moi tomber. Comme il est dans ta, comme il boit du noir, pour moi il n'a plus solution. Pour moi tout est pas mal comme il est en perdition. Comment faire quand faut choisir entre le cœur et la raison? Big Baba il est là pour me prendre les bonnes décisions. Pas de où ça mis à voir, il guide mes pas. Dans mon dos, il connaît qu'il est là. Dans ton mérage, la vie, elle même mis mon temps à la voix. Mi tiens beau Dieu, mi tiens beau fort, on est tout seul, mi la foi. Puis respect le grand papa. Pour le sommet, il est mis mon ali, la force pour l'été, pour moi l'été, quand pour moi les paroles. Viens là, il laisse pas moi tomber. Tous les amis l'aiment, ils m'en a dit la force pour lever, pour moi lutter, quand pour moi les paroles. Les là, ils laissent pas moi tomber. Souvent quand nous n'a problème, nous l'puis dans la maladie. Quand nous l'est dans la peine, les solutions nous n'a pis. Que l'on voit le mal, il gangrène, qu'il envahit nous l'esprit. C'est là le qui mon Dieu pour tirer à nous dans ta cas. Souvent quand un malheur, il vient, il touche ton famille. Quand pour moi, pas ces gars mauvais, oui, c'est la fin de la partie. Fait quand la fin, les proches, que la force nous n'a pis. C'est là le qui faut j'ai pour tiens nous dans la barre. Tout le sommet l'aime, il m'en a dit la force pour l'été, pour moi lutter, quand pour moi les paroles. Bien là, il laisse pas moi tomber. Tout le sommet l'aime, il m'en a dit la force pour l'été, pour moi lutter, quand pour moi les paroles. Bien là, il laisse pas moi tomber. Tout le sommet l'aime, il m'en a dit la force. Hey, vous êtes là, vous répondez présent sur le canal SMS. On salue Didier, Nico, Nadine ou encore Marie qui ont envoyé leur message au 06 92 70 2000. Peut-être que l'un ou l'une d'entre eux pourra repartir avec sa double invitation ciné avant 8h. C'est promis, c'était James avec La Force. On revient à tout de suite, on va parler du Galaxy Note 7. Ça va plus du tout avec ce smartphone de chez Samsung et malheureusement ça risque pas de s'arranger. 8h, 10h, la colle Jacques avec Jacques Revel. À l'émission des signes de terroir, Sacnouyem. Ah ben là, moi les devant ma rouge à l'âge. Chicken like, on les confit, d'un piment, les bons. Radio Ménage. Vous avez vu comment la voix signifie dans le thème. Partagez vos croyances et légendes. Les gens y parlaient avant, maintenant est-ce que les vrais et pas vrais. La colle Jacques avec Jacques Revel, du lundi au vendredi, de 8h à 10h sur Réunion Première. Première. Et la marque Samsung conseille de les éteindre. Et voilà, pour ces Galaxy Note 7, c'est vraiment la grosse galère pour les consommateurs et surtout pour la firme Samsung. De quoi réjouir la marque à la pomme. Le Galaxy Note 7 est une véritable bombe. Quel est le dernier problème en date? Eh bien, Pascal Rizzo nous en parle en Connect Première. Connect Première. Bonjour, je sais, vous allez me dire que je vous parle encore d'un Galaxy Note 7 qui a pris feu dans un avion et que le problème commence à bien être connu maintenant. Oui, mais celui-là risque bien d'empêcher de dormir l'exécutif de Samsung. Car ce Note 7 qui s'est mis à dégager de la fumée dans un avion de la Southern Airlines aux États-Unis, avant son décollage entre Louisville et Baltimore, ce qui a provoqué son évacuation, ce Note 7 était un modèle échangé. Autrement dit, son propriétaire a pu bénéficier du programme de rappel des Note 7 de première génération et a reçu il y a 15 jours celui-ci, doté d'une nouvelle batterie garantie zéro souci. Peu avant le décollage, à la demande des PNC, ce passager a donc éteint son Note 7 et l'a rangé dans sa poche et c'est là qu'il a commencé à fumer. On est donc sur un problème qui ne ressemble pas au souci des batteries explosant en mode charge. Il faut bien sûr rester prudent et attendre les conclusions de l'enquête pour en savoir plus. Si la Federal Aviation Administration a confirmé l'origine de l'incident, si des journalistes du magazine The Verge ont pu vérifier grâce au numéro de série qu'il s'agissait bien d'un modèle échangé, Samsung compte quand même de son côté récupérer l'appareil pour étudier ce qui a bien pu se passer. Et l'on en vient à regretter les téléphones d'antan lorsque les mobiles étaient solides comme un roc. Un Afghan ne doit pas regretter son achat. Un bon vieux Nokia 301, écran 2,5 pouces, caméra 3 mégapixels. Donc oui, là on est revenu à la préhistoire des smartphones d'entrée de gamme. Mais ce téléphone vient de lui sauver la vie car il a arrêté une balle. L'appareil, bien sûr, est complètement déchiqueté, mais la balle est restée logée dedans alors qu'elle aurait dû le tuer. Un vrai conte de fées 2.0 dans un monde de brutes. Belle journée. En fait, ce ne sont plus des téléphones, ce sont soit des armes, soit des boucliers, vos smartphones, hein, comme quoi. Première. Enfin, on espère que ça ira mieux hein, pour la marque du Galaxy Note 7. Il est 7h50 dans toute la Réunion, c'est le moment de voir qui va pouvoir repartir avec sa double invitation au cinéma. Ouais, parce qu'on vous l'offre maintenant. Et aussi nombreux et nombreuses à jouer. Hein. Sur le 70-2000, on fait un coucou à Elina, à Josephine de Saint-Denis qui est toujours branchée Réunion Première. Ben, ça nous fait plaisir. Elle like en SMS puisqu'elle n'a pas Facebook. Jocelyne, vous avez le droit en même temps de ne pas avoir Facebook. Hein. Et puis pour ceux qui ont Facebook, continuez de liker la page fan, la grande communauté Facebook. Parce que si ce matin vous ne gagnez pas vos places de cinéma, vous gagnerez peut-être votre croisière VIP avec Frédéric Joron sur le bateau Le Grand Bleu ce week-end au coucher du soleil. Un petit coucher du soleil comme ça en amoureux, musical en plus avec un petit apéritif. Ça vous dit ? Continuez de liker la page Facebook et continuez d'envoyer les messages au 06 92 70 2000. Alors on a fait un petit tri. Un petit tri parmi tous nos gagnants et gagnantes potentiels ce matin. Et on va aller du côté de du chef-lieu, tiens. Allez, pourquoi pas aller au chef-lieu. Maintenant, on rejoint Saint-Denis et on salue Yann. Salut Yann. Oui, salut Mickaël. Ça va Yann? Ça va, ça va. Bon, pas dans les bouchons ce matin? Non, déjà au travail. Bon, il n'y en a pas eu non plus sur la route pour vous? Pour moi, il n'y en a pas trop, non. Bon, ça va, ça c'est la bonne nouvelle, parce qu'il y en a plein qui sont dans la galère hein, ce matin. Hein, donc, on leur fait un petit coucou encore à nouveau. Travail dans le bâtiment et les travaux publics, Yann, on fait quoi? Oui, c'est ça, ouais. On fait quoi dedans? Conducteur de travaux. Conducteur de travaux, ok, donc c'est celui qui donne les ordres, en gros. Voilà. Voilà. Et ça se passe plutôt bien sur les chantiers en ce moment? Oui, ça va. Ça va, ouais. C'est un petit ça va, hein. Non, ça va. Un peu fatigué ce matin, Yann, j'ai l'impression. Non, Enroué, oui, parce qu'il y a encore la grippe qui traîne, c'est vrai. Tout à fait. Yann, vous savez ce que vous avez gagné ? Eh bien, on me l'a dit ? Eh bien, écoutez, regardez. Je m'appelle Kubo. La plupart du temps, je m'occupe de ma mère. Il était comment, mon père ? Il te ressemblait beaucoup. Il était beau et fort comme toi. Oh, maman, arrête ! Je mets de la magie dans mes histoires. Si vous devez cligner des yeux, faites vite ! Elle parle de batailles épiques, de guerriers et de monstres. Mais j'étais loin d'imaginer qu'en fait, mes histoires étaient vraies. C'est pour vous, Kubo et l'armure magique. La suite, vous irez la voir au cinéma, Yann. Ben, merci. Avec la personne de votre choix. Il y a un marmaille ? Ouais ? Ouais. Il a quel âge, le marmaille ? 6 ans. Il a 6 ans. Ben, c'est parfait. On le salue. Il s'appelle comment ? Naël. Eh ben écoute, Maël, on te salue, tu iras avec ton papa. Donc au cinéma, Kubo et l'armure magique. Et puis vous êtes automatiquement qualifié pour le tirage au sort de vendredi. Vous avez une petite femme ou pas, Yann ? Oui, oui. Eh ben voilà. Eh ben peut-être la croisière pour vous pour ce week-end. Eh ben merci. Voilà. On vous souhaite Eh ben on espère aussi. On vous souhaite une bonne journée, Yann. Merci bien. Salut. Merci. Quand la langue y fourche, Marmaille, le zapping de Réunion Première, c'est maintenant. Les prévisionnistes de Météo France Réunion peuvent désormais anticiper plus efficacement. Comment ? Pardon ? Anticiper. Préféré, votre radio préféré. Baster, Blackout, bonne journée. Comment ? Les souvenirs qu'on aime sur avec le groupe. C'est une première Baster avec et Blackout. Pas Diri Goleris. Non mais ça c'était l'accent anglais. Ah d'accord. En première partie, la comédienne et chanteuse Nicole d'Ambreville. Nicole. Ah, tu rates plus les oreilles. C'est quoi la signification du causement ? Base pas si bâton grand père, pour saute la rivière. Allez, maman, m'y connais les bons. M'y connais manger, il est bon. Mais lève un coup la tête. Mais oui, lève la tête de l'assiette. Voici votre météo. 80 ans, ses cendres seront inhuminées. Une chanteuse qui vient de. Elle s'appelle Bébête Saint-Pierre. Comment il appelle ? Bébête Saint-Pierre. Bébête ? Des dettes Saint-Pierre. Comme pas ma bréconne, pas bébête. À où de compter là-haut. Réunion Première, bonjour. Marie-Hélène du service des nouveaux mots. Oui, bonjour madame. Je voudrais savoir comment faire disparaître un aft et le faire rester en même temps. Ah ben à ce moment-là, il faut le faire disparaître. Quitte pas mon grand. Il faut tout simplement appliquer du miel sur l'aft 4 fois par jour jusqu'à ce qu'il disparaisse. Ouais, il fallait la petite Beverly de fin. Beverly que vous retrouvez le week-end entre 12h et 14h. Salut Jackie. Bonjour Mickaël, bonjour ça va, mon pays, ça va très bien, ça merci, va bien. Super. On, oui. va parler de croyances ce matin encore. Et puis avant ça, on va parler de manger. Ah bah oui, ouais, voilà, manger on va avant. Parler terroir, tradition, culture réunionnaise. Si je vous dis le thon, l'espadon, le vivano, le bourgeois, le bocléa, le cabot de fond. Comment faire le poisson ? Ah ouais, mais en carré, attention. En carré. Et façon, Eric Robert, ce passionné de cuisine, viendra nous donner quelques astuces ce matin entre 8h et 9h. Et ensuite, on l'a dit, Michael, l'astuce du jour, on aura les gens des croyances. Alors, quand. Est-ce qu'il y a la main gratte. La main gratte. La main gosse. Rarement. Quand là, ouais. Ça veut dire quoi ça ? Ah, il dit, qui ou arrête qui même ? Enfin, bah, heureusement que ça gratte après, pas. Après, c'est une croyance, une superstition. Ouais. La demande, il n'y croit pas, donc on en parlera en deuxième heure. Par contre, si ça vous gratte partout, c'est qu'il faut se laver. Hein. Ouais, ouais, c'est mieux. Sinon, ouais. Adopté, ouais. C'est pas moi. On fait le soin. Tu vois. Jackie, 8h, 10h. Salut la Réunion, à demain. Marc Ronson. One for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the fireman. I'm too hot, make a dragon wanna retire, man. I'm too hot, say my name, you know who I am. I'm too hot, and my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me. minute. Fill my cup, put some liquor in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop, skip it. I'm too hot. Hot dance. Call the police and the firemen. I'm too hot. Hot dance. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Trick, say my name, you know who I am. I'm too hot. Hot dance. And my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Mark Ronson, Bruno Mars avec Uptown Funk. C'est bon, ça met la pêche, Jackie, ça. À c'est l'aise, bon vous avez fait danser, essayez même. On est parti pour la journée. L'Inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre, www.ismaelaboudou.com. Est-ce que toujours toute la route du littoral est prise par les bouchons, Jean-Claude? Vous êtes à du parc? Oui, 14 km. Ah oui, là, c'est plus que la route du littoral. Okay. Tout à fait. Wow. Et on est à la hauteur de la mairie de la Possession, précisément PR14, en direction de Saint-Denis. Alors, bien, la jonction est faite avec le pont Vincennes, puisque je vous le rappelle, depuis ce matin, il y a ce mouvement de grève à Belle-Pierre. Donc, je rappelle, la route n'est pas bloquée, mais comme vous êtes nombreux à aller en direction de l'hôpital, ce ralentissement se répercute sur le boulevard sud en provenance de Champfleury, sur la voie de gauche. Circulation très difficile, bien avant l'hôpital des enfants, prenant direction du pont Vincennes. Route du littoral donc saturée, en provenance de l'Est, pas de difficultés particulières. Il y a des travaux qui se sont mis en place du côté de Beaulieu avec une voie de gauche qui est neutralisée en direction de Saint-André. Et sur la route du littoral, en direction de l'Ouest, il va y avoir aussi des travaux de balayage sur la bande d'arrêt d'urgence, mais ça gênera pas la circulation. Le gros ralentissement, je le rappelle, 14 km en direction de Saint-Denis, différez votre départ si c'est possible, ou alors tout simplement venez à vélo sur Saint-Denis en passant par la montagne. Et bonne route à vous. L'Inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre, www.ismaelaboudou.com. Et c'était la blague de Jean-Claude Machir, 8h à l'île de la Réunion. C'est l'heure du journal de la rédaction présenté par Stéphane Enilorac. Bonjour Stéphane. Bonjour Jackie, bonjour à tous. On va peut-être en savoir plus aujourd'hui sur les scandales des enfants de la Creuse. Pour la première fois, la Commission nationale se réunit dans notre île. Ça se passe aujourd'hui en préfecture. Témoignage à suivre dans ce journal. Comme hier, des gros embouteillages ce matin dans le secteur de Belle-Pierre. Les grévistes du CHU demandent des garanties quant à la titularisation de 176 agents précaires. L'intersyndicale s'inquiète également du déficit de 20 millions d'euros creusé depuis la fusion des antennes nord et sud du centre hospitalier universitaire. Un Réunionnais sur 10 souffre de dépression, c'est l'un des chiffres de l'étude inédite de l'Agence régionale de santé sur notre santé mentale. Plus de détails dans ce journal. Et enfin, la Chambre d'agriculture est en bonne santé financière selon son président. Le budget 2016 et le plan de développement 2018 ont été adoptés hier en session plénière. On les appelle enfants de la Creuse, ces 1600 marmailles de la Réunion poussées à l'exil dans les années 60-80. Un épisode douloureux de l'histoire de notre île qu'une commission nationale est chargée de démêler, créée en février dernier par le gouvernement. Elle se réunit.